écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Une erreur de touche. Ah, oh, une erreur de touche. Ah, si seulement on était mardi, j'aurais fait une blague d'erreur de touche. Oui. On se touche. Mais à la place... on va juste apprendre, on va se toucher les tempes pour essayer de faire rentrer l'information dans les oreilles et okay. Dans la tête. Voici, c'est un fait. C'est un fait, c'est la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables. Oui, monsieur. 3 V. Double triple V. Triple V. Double. Double V plus. Oui, plus que deux. Presque 3% de la glace de l'Antarctique est composée d'urine de pingouin. OK. En même temps, l'eau est filtrée, t'sais, passe par le corps, devient de l'urine et renvoyée. Après ça, rebut, re... T'sais. 3%. Ça fond. Ça, ouais. En tout cas, 3%, c'est quelque chose. Hein. Oui. Ensuite de ça, les échecs, c'est reconnu par le comité olympique. Donc, ça pourrait un jour être un sport. Là. L'International Olympic okay. Committee reconnaît que c'est un sport, mais ça ira jamais aux Olympiques. Là. Non. C'est des échecs. ensuite, le mot du jour, Snolly Guster. Qu'est-ce que ça veut dire, Snolly Guster? OK, tu parles comme ça? Ouais. Snolly. Snolly, c'est le nom d'un petit chien. OK. Guster. Guster? Guster. Comme Ghostbuster? Ghostbuster. Non, c'est un chasseur de chiens fantômes. Oui, exactement. D'accord. Exactement. Non, en fait, c'est un politicien corrompu ou malhonnête qui ferait n'importe quoi pour se rendre jusqu'à ses fins. À ses fins. Jusqu'à son poste convoité. Quand t'as dit c'est un chien chasseur de fantômes, là, ouais. Je pensais que t'étais sérieux. A Scooby-Dooby-Doo. Je suis complètement sérieux. Excusez. Rarement sérieux. Le Inazawa Bowling Center au Japon est ouvert depuis 1972 et c'est la plus grande allée de bowling avec 116 allées de suite d'un côté de l'autre. Ah, c'est des grosses ou des petites? Ah ben ça le dit pas. Ah ben là, j'ose espérer que c'est des grandes, des grosses. Ben ouais, moi aussi. Parce que des petites, bon, ça compte pas. Ça. Non, on en reparle dans Kinky. Et voilà. en moyenne, l'odeur préférée des Américains. Qu'est-ce que c'est en moyenne l'odeur préférée? Le bacon. Non. Ah. Je suis proche? Non. Non. Pas du tout. Okay. Au contraire même. Au contraire, mais est-ce que c'est... OK, j'ai droit à des essais. Est-ce que c'est un aliment? Oui. OK. Genre la vanille. Non. C'est tout? Les fleurs. Non. Un fruit. Un fruit? Un fruit. Orange? Non. Ah, c'est un peu sur le banane. Long. Pense à Kinky encore. Oui, banane. Pour de vrai? Oui, c'est la banane. Ah. En moyenne. Je suis vraiment déçu. Moi aussi. Il me semble que ça sent correct, une banane. Là. C'est, oui. C'est, ça sent bon, mais c'est pas extraordinaire. Je me parfumerais pas à la banane, mettons. Non, mettons moi non plus. En 2012, et c'est bizarre qu'il n'y a aucun sent bon ou parfum à odeur de banane. Non, hein? Glade, c'est pas, il n'y a pas de banane Glade. Là. Moi, je pense qu'il était tout mêlé. Ouais, en tout cas. en 2012, environ 736 millions de livres de dinde ont été consommés pour l'action de grâce au Royaume-Uni. Wow. 736 millions de livres. Ouch. C'est beaucoup de choses en four, ça. C'est oui, c'est farce. Ça prend... Oui. Oui, je m'en tiens à ça. Un tiers de tous les cancers ont rapport au soleil, sont reliés au soleil, donc cancer de la peau, etc. Un tiers. Les études nous apprennent que procrastiner, donc remettre à plus tard, ça fait des gens des meilleurs travailleurs. Ils deviennent plus créatifs et plus dynamiques quand ils remettent à plus tard. Mmh. Étrange. C'est un prétexte. C'est fait par qui, cette étude-là? Ah! Donc, ah, des proscatrinatures. Procrastinators magazine. Oui, exact. En moyenne, un homme adulte américain va se faire couper les cheveux à quelle fréquence? Un homme moyen? Ouais. Est-ce que je suis un bon exemple, moi, tu penses? Non. Non, OK, moi, je dis au mois. Mois et demi. Ben, quand même, au mois et quelques jours, c'est 37 jours. Ah, ben, tu vois, bon, c'est là l'affaire. Ben, mais... c'est, ouais, c'est à peu près ça que je fais. Ouais? À peu près. Tu te fais faire. Ouais. C'est ta blonde qui te coupe les cheveux, ça. Ouais. Des fois, je le fais avec mes pieds, là, en lisant un livre. Ah, oui. Wow, t'es tellement polyvalent. Ouais. Toi, est-ce que tu fais ça à peu près au mois et demi? Je dirais 5 semaines. C'est à peu près un mois et demi, ouais. Exactement. 5-6 ouais. Semaines. Il y a environ, et non, on nous dit même exactement 333 carrés de papier de toilette sur chaque rouleau. Je suis okay. Pas fait estimer, maudit. Ah oui. 333. 333. T'aurais dit combien? Ben moi, je t'aurais dit d'abord que ça dépend du rouleau. OK. Rouleau double, rouleau... Triple, ouais. Rouleau simple. Je sais pas, ça existe-tu? Je sais pas. J'en veux, soudainement. Triple crème. Puis là, je t'aurais dit que ça dépend de la marque. Et je peux pas croire. C'est en moyenne ou en c'est moyenne, vraiment? Non. Ah, okay, en moyenne, OK. Ah, comme le rouleau a déroulé. Pour de vrai, j'aurais été comme avéré. Ouais. Avéré. Avéré. Avarié. J'aurais été avarié. Ouais, exactement. Pas en sédan. Ouais. Le Népal est le seul pays qui n'a pas un drapeau rectangulaire, OK? La Suisse est le seul pays avec un drapeau carré. Et là, moi, je veux voir le Népal flag. Je crois que c'était un triangle, si je me rappelle bien, d'avoir vu ça à un moment donné. Non, c'est un genre de petit sapin de Noël. Ah, OK, oui. Oui, un oui. Genre de mais coupé en deux. C'est comme un double triangle. Double triangle, double triangle. Ouais. Ouais. 9 personnes sur 10, 9 choses vivantes, okay, qu'on confond animaux, humains, etc. Insectes. Insectes, oui, exactement, oui. Donc, 9 de ça sur 10 vivent dans l'océan. OK. 90%. Un autre mot du jour, dorifore. D-O-R-Y-P-H-O-R-E. C'est quoi ce dorifore? Ben ça, c'est quand t'es pris dans un phare. Oui. Puis que tu peux juste manger des Doritos. Des Doritos. ben un dorifore, je pense, c'est pas une bibitte à patates, ça? Non. Ah. Mais non, c'est quoi ça? C'est-tu un insecte? Non. OK. Bibitte. J'essaie de chercher le nom d'une bibitte à patates. À pipi? Bibitte à patates? Bibitte. OK, attends, les recherchistes sont ouais. Là. Dorifore. Caroline. C'est ça? Pipi. Dorifore, mais écrit pareil. D-O-R-Y-P-H-O-R-E. Hein? Mais ça s'écrit pareil. Donc, il y a plusieurs définitions au mot dorifore. Wow. Aïe! Là, je mérite vraiment quelque chose. Oui, là. La définition. T'as-tu vu les confitis en studio? Et le gros chèque que oui. Je tiens entre les mains. C'est quelqu'un qui retire une satisfaction intense en montrant les erreurs que les autres ont fait. OK. Ah, t'as vu, t'as fait une erreur. Là. Ah! Dorifore, c'est comme une bébête à patate. Pareil. Ils font tout le temps ça, eux autres. Hein. Ben oui. Ils sont tellement meilleurs que nous autres, les bébêtes à patate. Mm-hmm. Le premier jour de l'Hanouka, ça, c'est la fête juive qui est proche de Noël, dans les mêmes dates. Là. Et l'Action de grâce tombait sur le même jour cette année, donc le premier jour de l'Hanouka et l'Action de grâce. Donc, si on pense que les calendriers vont rester comme ils sont, qu'il n'y aura pas de modification de calendrier, ce qui arrive une fois par je ne sais pas combien d'années, mais bref, la prochaine fois que ça va arriver, le premier jour de l'Hanouka et l'Action de grâce en même temps, ça va être en 79 811. Wow! J'espère qu'on a fêté ça. Hey, les produits de dérivés de ça, non? Ben oui. Il y en avait, il y avait quelque chose à faire. Things Gunaka, Hanukkahing. Ouais. C'était ridicule. Les homards peuvent vivre jusqu'à 50 ans. OK. Je suis sûr. Jim Henson, le gars des mopettes, c'est lui qui a inventé le mot mopette. C'est une combinaison de marionnette et popette. Ah ben voilà. Mopette. Pourquoi se compliquer la vie? C'est ça. Au 13e siècle, les Européens baptisaient leurs enfants avec de la bière. OK. Chin! Ben oui. Santé. Un peu pour toi, un peu pour moi. C'est bien connu, hein? Tellement. Au golf, un beau Derek. OK. C'est un score de 10, parce qu'il est 10 sur 10, beau Derek, dans beau le Derek. Temps. Moi, je pensais que c'est quand, tu sais, il se penche, là, pour regarder, OK, ouais, ça va être ça, la trajectoire de la balle. Ah. Il y a un beau derrière. T'as un beau derrière. Beau derrière. Ah, c'est ça. Moi, c'est le même, j'appelle ma craque, Derek. Derek. Beau Derek. T'as un beau Derek. Oh, on se fait toujours lancer un fait en passant. Les scientifiques nous apprennent que c'est impossible de se chatouiller soi-même, même si on te trompe en te faisant penser que c'est quelqu'un d'autre. Même si tu... Dans le fond, même quand toi, tu essaies de te convaincre que c'est quelqu'un d'autre qui te chatouille, tu vas quand même pas pouvoir te chatouiller. OK. Je sais pas. Ça, tu peux pas. Ça marche pas. Ça marche pas. En moyenne, une personne va perdre de la peau. Évidemment, on perd tous des petits morceaux de peau. Environ 500 millions de cellules par jour qu'on perd. Mm-hmm. 500 millions de cellules. Wow. Dans la jungle des Philippines, le yo-yo, au départ, était utilisé comme arme. Ah, OK. Non, mais tu sais, c'est une belle affaire. Ouais. Si tu pouvais hypnotiser des singes là, en faisant le triangle. Je sais pas si tu faisais, oui. Tu faisais ça. Oui. Tu balançoire. Oui, exactement. Ouais. Ah, c'était le fun. Tu promenais ton chien aussi. Mm. Ouais. Ça, puis les Tamagotchi. Ah, ouais. Ma jeunesse. Manger 50 bananes, ça va te donner la même dose de radiation qu'un rayon X chez le dentiste. Oh! Il y a de la radiation dans les bananes, mais très très peu, mais 50 bananes. Écoute, déjà, si tu te rends à 5 de suite, t'es bon. C'est ça. Il me semble que ça bourre, là. Oui, ça bourre. C'est rempli de potassium oui. Qu'on a appris. On estime qu'à n'importe quel moment dans le monde, 0,7% de la population est saoule. OK, 0,7% à tout moment, à n'importe quelle heure de la journée, il y a 0,7% des gens qui sont sous. OK. Ça veut dire, mettons qu'on est 100. Mettons qu'on est 100. Ouais. Il va y avoir même pas une personne. T'sais. Quand même. C'est ça. Mais si tu vas à 200, tu vas avoir une personne et demie. Waouh! Waouh! Hein? On en fait-tu des maths ici? C'est incroyable. En Afrique du Sud, les termites. OK, ce sont souvent rôtis et mangés à la poignée, un peu comme des bretzels ou du popcorn, des termites. Comme des pistaches. Des pistaches. Toujours dans cet effet, c'est la collecte des choses véritables et vérifiables. C'est juste comme ça, le bien simple. Allons-y avec ça. Les poteaux de téléphone sont faits de... Ah, quand même, oak. Le bois oak. En français, évidemment, on appelle ça du... est-ce que c'est du chêne? Je te dis ça dans deux secondes. Oui. Carlin. Du chêne, c'est bien du chêne. Je sais pas sûr. Mais bref, les poteaux de téléphone sont souvent faits de chêne plus que n'importe quel autre bois. OK. Là, c'est en moyenne. Il est plus résistant, j'imagine. Oui, j'imagine. Ensuite, allons-y avec celui-là. Dans une vie, en général, en moyenne, une personne va marcher 5 fois autour de l'équateur. OK. Dans sa vie. 5 fois le tour de la planète. Plus de gens utilisent une certaine couleur de brosse à dents que n'importe quelle autre. Quelle est-elle? La bleue ou la verte? C'est la bleue. Ah! Plus que la rouge. OK. Et ce sont les couleurs les plus connues de brosse à dents. C'est ça que j'ai à la maison. Une bleue? Oui. Mais il y a plusieurs sortes de bleu aussi, plusieurs nuances. Bleu foncé. Moi, c'est bleu pâle. Ah. Un big band. C'est un big band. On peut seulement appeler ça un big band s'il y a 14 instruments différents. OK. Mmh. Fait que sache-le. Dans les 50 dernières années, le vocabulaire de l'enfant de 15 ans en moyenne, OK? Ça résumera à LOL. C'est à peu près ça, parce que ça a descendu de 25 000 à 10 000 mots. Ah oui, t'es sérieux? Pour un enfant de 15 ans. Mm. Depuis les 50 dernières années. Wow, hein? Wow. Les gens peuvent se reconnaître l'un l'autre juste de la façon qu'ils marchent 90 % du temps, selon une étude, selon le New Scientist. 90 % du temps. Eh bien. Poursuivons avec le fait que ça ne prend que 7 livres de pression pour déchirer ton oreille. 7 livres de pression pour déchirer ton oreille. Ah ouais. Peut-être que Mike Tyson, quand il avait mordu l'oreille de l'autre, c'était pas un si grand exploit. T'sais. Non, finalement. Et voilà. Bon. On se sert. Oui. Les lézards peuvent auto-amputer leur queue pour se protéger et avoir poussé après quelques mois. Ah! Si l'homme pouvait faire ça. C'est ça. Mike Tyson serait bien content. En 1963, il y avait 10 883 allées de bowling. On a parlé de bowling tantôt, de quilles. En 2002, ça a descendu à 5 973, donc descendu de la moitié de 63 à 2002. Mm-hmm. C'est plus très populaire, les quilles. Hein. C'est à cause de la Wii Sport. C'est exactement ça. C'est sûrement ça. Depuis les 4000 dernières années, oui, aucun nouvel animal a été domestiqué. Depuis les 4000 dernières années. On devrait essayer quelque chose. Là. C'est ça. Je sais pas. Les lézards, pour leur queue. Ben leur ça doit ça queue. Déjà fait. Ça doit être. J'ai l'ami canin. Qui va t'en aux États-Unis, on vend plus de frisbee que de ballons de football, de ballons de balles de baseball et de ballons de basketball mis ensemble. Plus de frisbee plus que de tout frisbee ça. Frisbee que tout ça. Ah ben. Wow. Ils doivent les perdre. Tu perds toujours ton frisbee. Tellement. Sur un toit. Ben, sur un toit, chez la cour du voisin, qui a des barbelés. je peux pas connaître tes voisins. Non, mais c'est... Moi, j'ai toujours perdu mon frisbee, je pense. Ouais. C'est ça. Ou à la plage. Ah, ben oui. En Amérique du Nord, il y a environ 618 manèges. Des roller coasters. Ouais. 618. OK. Une expérience canadienne détermine que les poulets vont sortir plus d'œufs. Et quand on joue de la musique pop. OK. Si tu mets de la musique pop, ça pop plus vite. Ça pop plus vite, ben oui. Comme disait Orville Redenbacher. Ouais. Puis y a-t-il une chanson qui. Ça marche moins un peu ou... Non, je sais pas, ça précise pas. Mais moi, je dirais avec, du Madonna. Madonna, ouais, peut-être. Poulette. dans 75% des maisons américaines, les femmes vont s'occuper de l'argent et payer les factures. Trois quarts. Trois quarts. Mm-hmm. Logique, c'est comme ça chez nous aussi. Ah oui? Ben, tu sais, l'argent. Trois quarts. Trois quarts. Ah oui, on est dans un ménage à trois. Oui. Trois quarts. Le décalage horaire, avant de s'appeler du jet lag, comme on l'appelle, ça s'appelait du boat lag. OK. Ouais. Avant que les jets existent. Ben oui, c'est ça. C'est par bateau. Mais décalage horaire, par bateau, c'était aussi un décalage horaire. Ou paquebot-horaire. Paquebot-horaire. Pas fort, celle-là. Hein? Les gros kangourous. On l'a dit avec la chronique de Véronique Mir la semaine passée, donc j'aurais pu sauter, mais quand même, les gros kangourous peuvent couvrir 30 pieds de distance avec chaque saut. Les gros kangourous, 30 pieds. Ouais. Qu'est-ce que la magéricophobie? M-A-G-E-I. Magéricophobie. Bon, magie. Oui. Rico, Cocorico. OK. Ça, c'est phobie. Fait que c'est quand t'as peur de faire des tours de magie puis faire disparaître des poulets. Ah oui! Ah oui! Non, magéricophobie, c'est la peur intense d'avoir à cuisiner. Ah, je sais pas loin. Pas loin. Disparaître le poulet. Le poulet, c'est ça. Puis un magicien. Tu le fais brûler, t'es obligé de le jeter. Ouais. Il devrait faire ça à TV, des tours de magie de cuisine, ça. Oui. Mais le chef, c'est un magicien. Tu vois l'œuf? Ouais. Là, il est cuit. Il est cuit. Magie! Magie! Moi, j'écouterais ça. Ouais. Dans le pays qu'on appelle le Malaya, les femmes ont des harems d'hommes. Ah, OK. Intéressant. les chats ne peuvent pas goûter le sucre. Ils n'ont pas les papilles gustatives pour goûter le sucre. En Thaïlande, c'est la coutume de donner et non de recevoir des cadeaux à ta fête. C'est ta fête, dépense d'argent. Tu donnes. Logique. Merci pour tout. Merci. En Thaïlande, il y a un mot qui est le contraire de sparkle. C'est des petits sparkles, des brillants. Oui. Et c'est darkle. Le darkle. C'est l'absence de brillant. Ou des brillants foncés, c'est ce que j'aimerais savoir. T'sais. Darkle. Mais ça doit être ça. Ouais, d'après moi. Ouais. L'Université de l'Oregon a plagié une section sur le plagiat dans un de ses livres pour les étudiants. C'est fun, hein? Est-ce que c'est mis en sanction? Non, je sais pas. Mais ils ont pris ça dans un livre de l'Université de Stanford. Ah, quand même. Et avant d'introduire les lumières électriques, les gens dormaient environ 90 minutes de plus que maintenant. Ben, c'est sûr, on a une lumière, on peut veiller plus tard. Ben oui, c'est ça, exact. La chandelle, c'est pas la même chose. C'est relaxant. Oh. Une petite chandelle. Ouais. Je cherche la définition de dark. Là. Ah ouais, hein, je le vois que c'est pas, t'es pas satisfait. Pas tout à fait satisfait du mot, non. Donc, c'est devenir sombre, se cacher dans le noir. C'est ça, c'est sa première utilisation en 1800. To become clouded or gloomy. C'est quelque chose qui devient sombre avec le temps. Dark. Ah bah, OK. Donc, à la place de se mettre à briller, tu te mets à... Tu te mets à foncer. À foncer. Voilà pour cet fait. Ah, c'est bon. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Regardez bien le titre, écoutez-le surtout. Une joggeuse percutée par un cerf tombé du ciel aux États-Unis. Hein? C'est-tu du titre, ça? Eh bien non, ce n'était pas un cerf volant. Oh oh! Mais bien un cerf en plein vol. Une jeune femme qui courait sur un sentier du comté de Loudoun, en Virginie, aux États-Unis, a été percutée par un cerf tombé du ciel. En tout cas, c'est ce que rapporte la chaîne NBC Washington. Vendredi dernier, donc le 6 décembre, l'animal, venait d'être projeté à plusieurs mètres dans les airs parce qu'il venait d'être percuté par un 4x4 parcourant une route voisine aux alentours de 18 heures. La joggeuse, elle, âgée de 27 ans, et la conductrice de la voiture, âgée de 71 ans, ont toutes les deux été hospitalisées jusqu'au vendredi. Et le cerf, qui n'a pas survécu au choc et à la chute, a été mangé par des vautours, selon un voisin, interrogé toujours par la chaîne de télévision locale. Un autre habitant aux alentours a trouvé la scène assez stupéfiante. Je ne connais pas les statistiques de ce genre d'accident, mais le risque que cela se produise une autre fois doit être très, très faible. Hein? Vraiment, faut que tu sois pas chanceux. Hein? Tu fais ton jogging, puis tu reçois un cerf volant sur toi. Un cerf volant. On a bien aimé la petite blague. Hein? Ici, le smog en Chine. Un avantage militaire qui rend les gens plus intelligents. Le titre est vraiment très mystérieux. Donc, atout stratégique, vecteur de conscience écologique, unité citoyenne de culture et même d'humour. Tels sont les bienfaits qu'ont trouvé deux médias officiels chinois. Ah, tu sais, là, je me semblais qu'il y avait anguille sous roche. Hein? CCTV et Global Time aux nuages de pollution qui étouffent les régions industrialisées du pays. Les deux articles concernés qui ont été retirés de leurs sites respectifs, ont suscité un tollé chez les internautes en Chine, comme le rapportent le South China Morning Post et le Telegraph. Le premier de ces articles a été publié lundi 9 décembre. Hier, donc, par un journaliste du site CCTV, la télévision officielle chinoise. Et c'est un véritable top 5 des aspects positifs du smog. Il ramène alors tous les Chinois à égalité, les unit autour d'un ennemi commun, les sensibilise aux dangers de la pollution, ils développent leur sens de l'humour et enfin améliorent leur culture en histoire géopolitique et en langue étrangère, comme l'explique cet extrait de l'article qui a été cité par le Telegraph. Donc, je vous cite le bout d'article. « Sans ce brouillard, sauriez-vous que les PM 2,5 ce que sont les PM2. Sauriez-vous qu'il y a 60 ans, la pollution a coûté 12 000 vies à la ville de Londres? Connaîtriez-vous seulement les mots brume sèche et smog? OK, donc c'est à cause de la pollution, hein, ça nous aide à s'éduquer. Concernant le sens de l'humour, en tout cas, ça peut se vérifier, comme le fait remarquer The Telegraph. Les Chinois ont été 80 000 à commenter l'article en moins de 2 heures, notamment via Weibo, qui est le Twitter local. J'ai cru qu'il s'agissait d'une satire, mais je me suis rendu compte qu'en lisant l'article, son auteur défendait réellement ses opinions. Alors j'ai ouvert la fenêtre et j'ai respiré un grand bol d'air socialiste. Ironise un internaute cité par le site britannique Le Telegraph. Mais celui qui a véritablement le sens de l'humour est peut-être le gouvernement chinois, car Time Magazine estime que la politique officielle de la Chine à l'égard de la pollution est effectivement une farce. Nous rapportions, par exemple, sur Slate, qui est un site où je prends beaucoup mes nouvelles, là, une des mesures prises pour lutter contre la pollution à Pékin, la saisie de 500 barbecues extérieurs illégaux. Mais vous voyez comment c'est vraiment une farce. On a saisi 500 barbecues extérieurs qui étaient illégales, mais pas les industries, ça, il n'y a pas de trouble. Or, la pollution frappe gravement la Chine. On vous en parlait déjà sur Slate en janvier. Un nouveau pic s'est produit vendredi 6 décembre dans l'est du pays après qu'une airpocalypse s'est abattue sur la région de Harbin fin octobre. De son côté, le Global Time, un tabloïd qui suit la ligne du quotidien du peuple, affirmait sur son site web que le smog peut constituer un avantage stratégique pour des opérations militaires. Et c'est n'importe quoi. D'après le South China Post, l'article du Global Times nous expliquait par exemple que les microparticules à l'origine de la pollution atmosphérique peuvent entraver les systèmes de guidage des missiles ou encore que pendant la guerre du Kosovo, les soldats d'ex-Yougoslavie ont employé la fumée de pneus enflammés pour contrecarrer les frappes aériennes de l'OTAN. Là encore, les internautes ne se sont pas fait prier pour s'indigner sur Weibo, qui est le Twitter, je vous l'ai dit. Le South China Morning Post cite « Mais nos ennemis n'auront pas besoin de missiles si le smog continue à s'étendre. Les gens vont simplement mourir empoisonnés. » Effectivement. Les réactions sont pas arrêtées aux internautes. Reuters cite notamment le Dongan Time, édité dans une région très polluée de la Chine, qui ne sait pas s'il faut en rire ou en pleurer. Rétro-pédalage des médias officiels. Après avoir relayé l'article de CCTV, l'agence de presse officielle xinois a considéré qu'il était totalement inapproprié de se moquer de la situation. Je sais pas, hein, les gens sont en train de se gâcher la santé et puis les journaux essaient de justifier ça par des bonnes raisons du smog, donc des bonnes raisons d'avoir du smog et puis les avantages à ça. Hein? Ouf! Sérieux, en Chine, ça fait dur. Hein? C'est par là que c'est le début de la fin. C'est le début de la fin par la Chine, on s'en doute. Ici, début de la fin, vous allez voir, ça, celui-là, on va se bidonner un petit peu plus. Ça va être un petit peu plus ludique, un petit peu plus drôle. On va se faire le top 10 des groupes de métal, okay, qui ont trouvé leur nom dans Le Seigneur des Anneaux. Hein? Ça peut être cool. Donc, on y va avec le premier, Hamon Armat. Donc, c'est les légendes du death metal mélodique fait par des Vikings pour les Vikings ont trouvé leur nom dans le bouquin de Tolkien. Il s'agit tout simplement du mot Sindarin, une langue inventée par Tolkien, pour désigner la montagne du destin, le volcan du Mordor, un lieu central du roman. Donc, Hamon Armat, The Pursuit of Viking. Je sais pas, on pourrait peut-être même aller écouter un petit bout de musique de quelques-uns des groupes. On va aller voir si ça fonctionne. Est-ce que ça marche ou bien il y a un petit problème? On va essayer d'avancer parce qu'on veut que ça garoche, là. Donc ça, c'est du Hamon Armat. Sinon, en deuxième position, des bandes de métal qui ont pris leur nom dans l'œuvre de Tolkien. Eh bien, Burzum. Burzum, qu'est-ce que c'est, Burzum? Eh bien, c'est le groupe culte de la scène black metal, Burzum, qui signifie « ténèbres » dans la langue du grand méchant Sauron, tout simplement. Donc, si on écoute un petit bout. OK, il me semble qu'ils ont l'air loin. Et oui, on écoute Burzum. Sinon, en troisième position des noms des bandes de métal qui ont pris leur nom dans l'œuvre de Tolkien, eh bien, on y va avec Gorgoroth. On écoute ça un petit bout. Donc, on reste toujours en Norvège avec un autre groupe black metal qui n'a pas à se plaindre niveau notoriété. Gorgoroth, qui dans l'univers de Tolkien n'est rien d'autre que le plateau du Mordor sur lequel se trouve la montagne du destin. Donc, sans Tolkien, les groupes métal ne sauraient pas comment s'appeler. C'est un peu ça qu'on découvre ici. Donc, on écoute un petit bout. Donc, c'était Gorgoroth. Sinon, en quatrième position, Hefel Duat. Donc, après le volcan et le plateau le supportant, voici la chaîne de montagnes entourant le Mordor. Un nom qui fait peur pour un excellent groupe qui est pourtant le plus gentil de toute notre sélection. On écoute Hefel Duat. On va se l'avancer un peu au milieu. Ouais, c'est moins méchant un peu. Sinon, en cinquième position, les black métalleux des Pays-Bas, c'est de Critic Gorgor, qui était un peu énervé de ne pouvoir choisir le nom du plateau. Hein. Ils ont alors choisi le nom du passage permettant d'y accéder parce qu'il y avait trop de bands qui avaient repris le nom du plateau. Critic Gorgor. Yeah! Donc, en sixième position, on y va avec Isengard. On y va, on s'envoie des petits bouts de Isengard. Quand un des membres du plus grand groupe de black metal de tous les temps se lance dans la petite aventure solo, ça donne Isengard. Du metal folk à chant clair qui devrait plaire à tous les vilains barbus. Or et Isengard, c'est la tour de Saruman. C'est ça. Isengard, c'est la tour de Saruman, le vrai vilain barbu, hein? Sinon, Minas Morgul. Eh ben oui, hein, ça aussi, on se rappelle de ces mots. Black metal, toujours, mais cette fois-ci, c'est outre-Rhin, dans la douce commune de Francfort-sur-l'Oder, que naît Minas Morgul, un groupe tout à fait charmant qui trouve son nom dans le Saint-Darin de Tolkien, qui signifie « tour de la sorcellerie ». Il s'agit d'une ancienne forteresse corrompue par la magie noire, Minas Morgul. Sinon, toujours dans les noms de metal, de band metal, on parle qui se sont inspirés de Tolkien, Ringwraith, je sais pas trop, là. Ringwraith, quelque chose du genre. Ringwraith, c'est la traduction directe du terme Nazgûl, qui signifie spectre de l'anneau, un nom qui colle tout à fait à la musique de ce projet black metal italien. D'ailleurs, ici, les albums comme les chansons parlent de l'univers de Tolkien. Ça, c'est être fan. Pas à peu près, hein? Mais en tout cas, on est conséquent. Ça, c'est sûr. Et en neuvième position, il en reste deux, hein? Puis si vous avez plus de misère avec le métal, là, on y va avec Balrog. Balrog, qu'est-ce que c'est la Balrog? Ça se passe peut-être peu, là. Ouf, que c'est fort. Donc, Balrog. En France aussi, on aime le métal et le Seigneur des Anneaux. La preuve, c'est justement avec Balrog, un groupe très chouette ayant emprunté le nom des créatures de feu, comme celle corrompue par le mal qui fut responsable de la chute de Gandalf le Gris. La grosse bébite, genre de dragon, là, c'est Balrog. Et sinon, dernière du top, eh bien oui, on va terminer avec quelque chose d'important. On termine justement avec Sauron. Sauron, qui est justement le... avec Blackned Thrash. Ça qui est un Blackned Thrash bien virulent. Et ils n'ont pas pinaillé en choisissant directement le nom du big boss du mal, Sauron. Donc, on écoute un petit bout. Ça fait mal, tout ça. Mais bien intéressant pour la petite histoire et puis pour la culture. Et puis vous, si vous aviez un band de métal, quel nom vous choisiriez? Hein? Black Frodon, serait-tu correct, ça? Ça serait parfait. Ou Pipin et ses amis. Non, ça serait pas pire, ça. Ça ferait un peu... Moi, j'aime ça, les trucs qui font clash un peu. Et puis, on s'en va, on se quitte avec ça. Vous irez voir, justement, avant de poursuivre en musique. On va aller avec Braids. Je vous laisse avec une petite illusion d'optique. Et allez voir tout de suite, parce que, justement, c'est à voir. C'est contrairement à ce que vous croyez. C'est deux quadrilatères qui sont de la même couleur. Vous allez voir, c'est magnifique. Et puis, c'est à voir. Donc, ça donne rien que je vous en parle. C'est deux cubes. Et puis, les deux, il y en a un qui a l'air vraiment noir, l'autre qui a l'air vraiment blanc, mais non, ils sont de la même couleur. Ça se dit mal à la radio, ça se voit très, très bien sur Facebook. Rendez-vous là-bas tout de suite. Et puis, tiens, vu que ça a été très, très rapide, je vais vous envoyer une petite photo qui est hallucinante. C'est la catastrophe de chez Microsoft qui est expliquée en deux photos. Steve Ballmer est le directeur général de chez Microsoft. Il occupe ce poste depuis un certain temps, mais il a récemment annoncé qu'il allait se retirer. Et le fait que le départ de Ballmer a été annoncé sans annonce simultanément concernant son successeur montre bien qu'il a été mis à la porte par le conseil d'administration. Explication avec ces deux photos prises le 8 décembre vers midi au Fashion Center dans le quartier du Pentagon City à Arlington en Virginie. Première photo, c'est qu'on voit le magasin, le Microsoft Store. Eh bien oui, c'est pas une ruse, c'est pas un effet spécial. Il n'y avait aucun client dans le magasin à midi, un dimanche de décembre, dans la haute saison du shopping. Et je vous le dis, là, le magasin est complètement vide. Il y a juste la fille et la vendeuse. Il y a à peu près juste ça. Et après, on voit une photo. Voici l'App Store. Magasin est bondé. Bien sûr, Microsoft a été pendant des années une société fantastique sans pour autant posséder des magasins de détail. Donc, ce n'est pas comme si c'était mis à échouer à construire des magasins à succès est un problème en soi. Le vrai problème, c'est qu'il n'y a rien qui cloche avec le magasin. C'est un endroit génial pour y faire du shopping. Bien meilleur que l'Apple Store. Vraiment, parce que l'Apple Store est bondé et que c'est un peu plus dur de capter l'attention d'un vendeur ou d'un génie. Chez Microsoft, on se trouve dans un environnement agréable avec un personnel serviable et on a du temps pour vous répondre. C'est juste que personne ne veut acheter leur cossin chez Microsoft. C'est tout cheap. C'est toujours aussi une société très rentable grâce à son énorme solidité sur le marché, mais les entreprises sont faites d'individus. Si personne ne veut acheter des trucs Microsoft, ça aura forcément des retombées sur l'entreprise. Ben oui, on n'en veut pas des cossins Microsoft. Ça marche mal, c'est pas efficace, c'est passé date, c'est comme ça. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cestfou.ca. Assemblage requis. Ingrid Arneberg, bon matin. Bon matin. Bonjour, ça va? Oui. Oui, est-ce que t'es excité pour ta dernière chronique Forever and Ever? Un peu triste. Wow. Ouais. Ça a passé vite, hein? Vraiment. Tu pensais pas? Non, vraiment pas. Mais malheureusement, c'est comme ça qu'on doit se quitter. Alors, mieux vaut commencer tout de suite pour, tu sais, comme un plaster. On va enlever ça bien, bien vite. Puis comme un enfant qui braille, tu vas y mettre un petit bob l'éponge. Ah, oh, puis un béquet bobo. C'est ça. La dernière fois, tu viens d'enlever le plaster, puis ça fait mal, fait que tu remets un autre plaster. Ça, ouais, parce que tu t'es rendu compte que la petite colle a enlevé la gale. Ouais, puis c'est ça. Alors, c'est la course au trésor. J'essaie de créer des histoires autour de ça et ça tombe à plat, malade. Oui. Yes, oui. Ingrid Arneberg. La course au trésor, c'est la chronique sur la périnatalité, les parents, les enfants, la famille, tout, oui. Et tout ça. Exactement. Oui. C'est ta dernière. Tout le monde. C'est full inclusif. Oui. Tout le monde se tient la main. Oui. Oui. Puis chante la même chanson en se dandinant comme ça, de droite à gauche du micro. C'est tout cute et on n'entendra plus cette chanson de bébé, fait qu'on va s'en profiter. Oui. Donc, de quoi parlons-nous aujourd'hui, Ingrid? On parle des rituels qui entourent l'accouchement. Oh. Ce qui m'a inspiré, c'est que la semaine passée, on a célébré un Blessing Way. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. C'est comme un shower de bébé beaucoup plus spirituel parce qu'on a trois filles enceintes dans notre cohorte. Oh. On a été vraiment spécial. Si vous passez dans le corridor puis que vous voyez une grosse vulve géante faite en rideau devant un local d'association étudiante, c'est le nôtre. C'est le pratique sage-femme. C'est ce qu'on a fait pour le Blessing Way. Puis on l'aime, notre grosse vulve. On l'a gardée. Ouais, ça surprend peut-être à 7h30. Yeah, on a déjà vu pire que ça. Oh, oui. Oui. Oh, oui. Oh. J'ai plein de choses qui me viennent en tête, mais oui. Bon, mais pour vous, qu'est-ce que c'est un rituel d'accouchement? Qu'est-ce que ça comprend? Qu'est-ce que ça peut être? Faire la danse du bébé. Oui, le bébé qui danse dans Ally McBeal, ça vient de là, ça. Dans Ally McBeal, il y a un petit bébé qui danse. C'est non trop jeune. Non, non, je connais Ally McBeal. Ben, bon. C'est pas les gens talons, ils l'ont repris, genre? Le marché, genre... Ah, oh, mais c'est à Québec, ça. Oh, je sais pas. Faire des cadeaux, ça, c'est sûr.

peut y crier autant qu'on veut, et y'a personne qui braque. Quand il fait noir, on se réchauffe au silence des claques. Le matin, on boit des mots, on fait voler les pages. Et notre folie sera grande et notre mémoire sera longue. Et notre folie sera grande et notre mémoire sera longue. Et notre folie sera grande et notre mémoire sera longue. Et notre folie sera grande et notre mémoire sera longue. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Plongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Top 40 des traductions de merde qui piquent les yeux. Hein? Quand la langue française nous fait saigner des yeux presque, eh bien, vous allez voir, c'est un petit top assez drôle. C'est sûr que ce qui est encore plus drôle, c'est d'aller voir les photos sur la page Facebook du dîner de con, mais vous allez voir, je vais vous lire, je vais vous envoyer les traductions. C'est quelque chose. Première traduction, eh bien, c'est un genre de livre pour apprendre le français. Donc, il est écrit « Étudier, à accent aigu, le français en 5 jours » avec R, jour. Hein, c'est-tu pas beau, ça? Sinon, on a une boîte pour un vélo. Il est écrit « Mini-bike fait de chinoise ». Hein? Donc, un petit bicycle fait de chinoise, un mini-bike fait de chinoise. On a ceinture de taille gratte-cul. Vous avez bien compris. La traduction, c'est waist hip belt. Hein? C'est reluisant, extraordinaire. Sinon, on a de la Polish sausage, donc une saucisse. Là. Eh bien, on l'appelle polisser la saucisse. Hein? Polish sausage. Hein? Toujours intéressant de se faire polisser, de se faire polir la saucisse. Sinon, on a ici du popcorn d'une coop agricole, ce que je trouve bizarre parce qu'on a vraiment le symbole coop là, comme dans les petits villages, tout ça. Mais c'est la compagnie Gold. Il est écrit comme au cinéma, maïs a éclaté au micro-ondes à saveur de trait beurre. Donc, au lieu de extra butter flavor, c'est à saveur de trait beurre. Ça, c'est bon du trait beurre. Hein? Extraordinaire. Sinon, une autre ici qui est assez intéressante. En anglais, c'est « Please keep this door closed while having a shower. Thank you very much. » Là, il est écrit « Fermant, s'il vous plaît, cette porte à la douche. Plusieurs remercies. » Fait que ça, c'est pire qu'une traduction Google parce que des fois, j'ai besoin de faire traduire des trucs. J'essaye des... Puis Google va jamais me chercher des choses aussi pires que ça. Une boîte de petits poissons, une boîte de clover leaf. Là, ça me semble être de la pince de crabe ou de homard. Et puis, il est écrit « low fat ». Alors, il est écrit en français « faible en gros ». Donc, il n'y a pas beaucoup de gros là-dedans. Et... Ça, c'est hallucinant. Poisson. OK. Poisson. On y va. La morve portugaise. Morve confite à base tempuratura. OK. Tataki de thun accompagné de champignons. Thon à l'ali-oli au basilic. Hein, ça, c'est des vrais. C'est un menu de restaurant. Là. Vrantresca de thon avec mayonnaise soja. Mais c'est pas de soja. Et corvina grillée avec pommes de terre. Là, ça, c'est un peu moins épais la dernière. Mais hein, on aime ça. boisson au jus de coréen au citron au lieu de Tao Tea Korean Citron Juice Drink. Bien non, une bonne boisson au jus de coréen au citron. Rien de mieux qu'un coréen au coréen au citron pour commencer une bonne journée. Hein? Ici, Peppers Van Gerbrocken. Donc, c'est une enveloppe de poivre concassé, mais il est vraiment écrit « poivre noir con espace cassé ». Donc, du concassé. Atterrissage d'urgence, crispez-vous. Crispez-vous, brace for impact. Atterrissage d'urgence. Donc, mettez-vous bien raide, crispez-vous. Au lieu de se pencher vers l'avant, là. Non, c'est comme ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bousillante de saleté pour votre cuir. OK, c'est un shampoing. Là, je sais pas, je comprends pas ça. C'est quoi là, la traduction, mais on l'a en français, c'est bousillant de saleté pour votre cuir chevelu. Je sais pas si c'est exactement le même shampoing qu'on veut, hein, tous. Aïe. Des petits concombres marinés, donc il est écrit « preserve cucumber », tu sais, c'est des concombres préservés. Et là, c'est « préservatif concombre ». Alors, je vous envoie quelques autres traductions qui peuvent être intéressantes. Je vais regarder les meilleures. Ici, il y a des pilules, il est écrit « ne pas avaler » dessus. OK. Une étiquette d'un chandail en mohair, en laine, il est écrit « cheveux de lapin ». Au lieu de poils de lapin, rabbit hair, cheveux de lapin, ben oui, hein, pourquoi pas. Pour sortir, jouer au bouton. Donc, c'est dans une genre d'exposition. Et puis, on a un endroit où on peut sortir. Et on nous dit, pour sortir, jouer au bouton, au lieu de presser le bouton. Hein. To exit, press button. Au Disney Store, c'est de la vaisselle. Donc, il est écrit « Microwave and dishwasher safe ». OK, ça veut dire que tu peux mettre ton assiette autant au micro-ondes que dans le lave-vaisselle. Mais non, non, non. En la traduction chez Disney, eh bien, c'est on nous dit « coffre-fort pour la micro-ondes et la lave-vaisselle ». Donc, une assiette qui est coffre-fort pour la micro-ondes et la lave-vaisselle. C'est merveilleux chez Disney, hein? Surtout qu'on n'a pas d'argent pour payer des traducteurs. C'est ça qui est triste dans tout ça. Aïe, « Stuff it, travel pillow ». Oreiller de voyage pour fourrer. Vous avez bien compris, c'est la traduction, mais c'est magnifique. Ça vaut 500$, là. Ça vaut 1000$. Stuff it, travel pillow. Donc, c'est une petite oreiller de voyage là, qu'on peut traîner, mettons, dans l'avion, des trucs comme ça. Et on nous dit vraiment oreiller de voyage pour fourrer. Et on nous dit fourrer la pochette avec des vêtements pour obtenir un oreiller. Facile à ranger. Ah, c'est pas pire, le reste de la traduction est pas si pire. Ici, attends un peu. Ah, ça, c'est hallucinant. C'est, je pense c'est du riz. Dans une usine de riz, il est écrit « Manufactured in the wheat-free and nut-free factory premise ». Donc, c'est manufacturé dans une usine où il n'y a pas de blé, OK, et où il n'a pas non plus de noix. Sauf qu'en français, la traduction, c'est « fabriqué dans une usine sans blé » et sans écrou. Donc, une usine sans écrou, c'est pas solide, hein? Les machines qui travaillent. Non, pas d'écrou. Not free. C'est génial. Vraiment, ça aussi, ça vaut 100$. Fromage de brebis guéri. Donc, c'est en espagnol, donc je ne comprends pas trop la traduction, par contre. Là, mais quand même, c'est mieux toujours du fromage de brebis guéri que du fromage de brebis malade, hein? Parce que on pourrait pogner la grippe de la brebis. Hein? Pack snack, prévoyez une petite gâterie. OK. Ben, ça, c'est pas si pire, là. Ben, c'est juste par rapport à l'autre traduction. On peut mouiller. It's possible to wet. On peut mouiller. C'est devant une. Dans un zoo, eh bien, il y a une place où il y a de l'eau et il est écrit qu'il y a une possibilité que ça soit trempe, que ça soit. Mais c'est la traduction française, c'est on peut mouiller. Je sais pas si les dames pensent ça quand elles arrivent devant cette clôture. Hein? On le sait, avec les objectum sexuels hommes, on sait jamais. Ça, c'est des petites bouchées de foie pour les chiens. Donc, beef liver bite. Et on nous propose des morsures de foie de bœuf. Un foie, ça mord. Hein? L'autre fois, il m'a passé à travers la peau. Le foie m'a passé à travers la peau. Alors, aïe. Petite bit, big compliment. OK. Donc, c'était des petites bouchées, gros compliments, qu'il faudrait dire. Mais il était vraiment écrit « petite bite, Big Compliment. Donc, drôle de traduction. C'est même pas à moitié une traduction. Manicure Set. Donc, c'est un petit emballage d'outils. Mais c'est des pinces, un cutter, des tournevis. Et ça fait étrange pour un manicure set, je trouve, par contre. À l'achat de deux paires de tongs, donc des sandales, la troisième est à moitié cuite. Vous avez bien compris. Donc, à l'achat de deux tongs, deux paires de sandales, eh bien, la troisième est à moitié cuite. Ben oui. C'est hallucinant. Sinon, ça continue. Warning, pour le but décoratif seulement, non destiné aux enfants, si une batterie est hirondelle, voir proprement le docteur. Hein? Ça indique tout de suite de quoi on parle. Sinon, après, c'est quoi? Grosse assortie, jumbo assort. Donc, c'était le format d'une chose, mais là, on nous parle de grosse personne assortie. Preuve de flac, ami de sport, polyvalente tasse, rupture résistante, coffre-fort de lave-vaisselle. Encore toujours le coffre-fort, hein, on aime bien le côté safe. Nipple brush, oui, vous avez bien compris. Une brosse de mamelon, hein, pourquoi pas. Et ici, ça, c'est très, très bien. C'est hallucinant. C'est un truc pour allumer les cigarettes, là, le lighter dans l'auto, OK? Et puis, il est genre en bling-bling avec des rubis puis tout. Puis, il y a des drapeaux pour montrer dans quelle nationalité de voiture que ça peut fonctionner. Donc, dans les voitures sud-coréennes, les voitures japonaises. Et en haut de chaque nom de pays, il y a un drapeau. Donc, en haut, il y a la France, un drapeau de la France, un drapeau de la Grande-Bretagne, un drapeau de la Grande-Bretagne, un drapeau américain, South Korea, un drapeau de la Corée du Sud, un drapeau du Japon. Ce qui est particulier, par contre, c'est un Germany. Hein, on sait l'Allemagne. Eh bien, en haut, le drapeau, c'est le drapeau nazi. On a mis ça, vraiment. Je pense qu'ils ont manqué un petit peu d'attention dans leur publicité. Il me semble qu'il doit y avoir quelqu'un qui vérifie ça, le graphisme. En tout cas, on va voir, on laisse ça aux bons soins d'eux-mêmes. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. Panache avec la pièce Pendentif. Ah ben c'est pas la panache. C'est pas le panache. Parlant de panache. Parlant de péniche. Péniche. Oh! Péniche. Péniche. Voici Kinky Sexy Time. T'es vite sur le piton. Mais je dois avouer que je l'avais pas nécessairement saisi en la disant. Ah. C'est quand tu leur dis, j'étais là, oh, oui, faut y aller avec ça, faut courir avec oui. Cette blague-là, c'est la meilleure. Oui. Donc, Kinky Sexy Time, c'est la connaisseur de C'est un fait, donc on se fait une petite liste de faits, mais cette fois-ci pour un public plus ou moins averti. Oui, c'est... on va faire fondre la neige ici. Ah, oh, voilà, dans tous les sens du terme. Savais-tu que, premièrement, connais-tu les flashlights? Oui. C'est les engins qui ressemblent un peu à une lampe de poche d'extérieur, mais qui ont l'intérieur lubrifié et caoutchouteux d'un engin féminin. D'un varin, c'est à peu près ça. Donc, la Fleshlight, une marque de jouets sexuels conçue pour la pénétration et qui est principalement ciblée vers les hommes hétérosexuels. C'est fait et fabriqué par la compagnie Interactive Life Forms. Et la Fleshlight, ben, ça ressemble à une lampe de poche et l'intérieur est disponible en soi engin féminin. Hein? Celui d'en arrière. Oui. Aussi. Et t'as celui de la bouche. Ben voilà. La bouche d'en haut, là. Les 3P. Les 3P. La push. Pouche. Le devant, c'est facile. C'est ça. Puis le popotin. Le popotin. Mais ce que je voulais vous dire par rapport à la Fleshlight, parce que, bon, bien des gens connaissent la Fleshlight, là, mais c'est que pour ceux qui sont particulièrement excités en regardant le film Avatar, c'est qu'il y a une flashlight d'Avatar, du film Avatar, avec les personnages, les Navi, qui s'appellent, je pense. Il y a ça. Ça existe, ça. Incroyable. Méchant, tu sais, méchant, comment dire, trip? Ouais. Genre, Méchant fétiche. Pas sûr. Bleu. Après ça, ça va être la Schtroumpfette. Ah ben, ça oui. S'en vient, là, j'espère. C'est plus mon genre que la fille d'Avatar. Pour les gens c'est qui... la vieille d'Avatar, là. Oui, oui. Fait des... Pour ceux qui travaillent dans le domaine du sexe, à Kamathipura, à Mumbai... c'est un des plus grands red light districts. Ouvrir un compte en banque, c'est extrêmement difficile. Mais maintenant, ceux qui veulent économiser de l'argent, ils vont pouvoir le faire grâce à Sangini Women's Cooperative Society Bank. C'est un peu comme une banque qui est gérée par la CSW que je viens de mentionner, mais un peu comme une coop, un peu comme Desjardins, c'est une coop, ou je sais pas trop comme ça, c'est ça qu'on dit, coop. Ouais. Conjugué avoir et être, qui disent. C'est exact. C'est un excellent slogan, ça, juste ouais. Pour dire, j'adore ce slogan. Donc, bref, le projet à Mumbai, ils travaillent, eux, avec, dans le fond, les gens qui sont du projet, travaillent avec 6000 travailleurs du sexe dans à cet endroit-là de Mumbai, 600 000 hommes qui sont à risque et 2500 utilisateurs de drogue dure. Oh. Donc ils travaillent avec eux pour pouvoir leur laisser économiser de l'argent. C'est quand même une bonne idée, mais ça fait quand même un ghetto assez intense. Là. Assez intense à la banque là, autour oui. De ça. Là. Servez-vous, tu sais où trouver ces gens-là. Ils sont à la banque. Maintenant, parlons de condoms qui ont évidemment révolutionné les vies et l'industrie du sexe aussi. Les condoms qui ont plusieurs utilités, dont entre autres les traitements médicaux. Les condoms peuvent être utilisés pour ramasser ce qu'on appelle en français. J'ai fait des recherches ce matin, je ne savais pas trop où me diriger pour les recherches. La différence entre sperm et semen. Sperm, c'est les petits spermatozoïdes et semen, c'est le liquide. C'est le liquide au complet. Au complet qui inclut le sperme. Ah, ok, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais, ça alors qu'en français, c'est. Est-ce que. Moi, je pense qu'on. Ben, garçon. Oui. Jus de garçon. International. Bon! De couilles. Okay. Wow! Je suis prêt. Bref, mais donc. Non, je sais pas. Pour de vrai, il a la distinction, je suis sûr, en français, mais on sûrement. S'en fout. Mais quand j'ai cherché la traduction de semen et de sperme, les deux me donnaient sperme. Les deux, il y en a une qui me donnait une compagnie pharmaceutique. Il n'y a pas une compagnie, c'est comme semen. Semen, c'est les téléphones, genre, semen. Ou la bouffe Il y a Simons. Ah, ça doit être ça. Il y a Simon Fitzbay. Donc, bref, les condoms oui. Peuvent aussi ramasser le sperme, OK? Et en le faisant, en ramassant ça, le sperme, ou le liquide, en fait, le jus de garçon, on l'appelle le jus de garçon, okay, qui est excrété okay, pendant le sexe, peut être testé grâce au condom. Okay. Et le sperme est beaucoup plus actif que le liquide jus de garçon qui provient de la masturbation. Ah! Donc, le liquide qui sort avec le sperme dans une relation sexuelle, dans un condom, est meilleur et plus actif les petits oui, que celui qui sort quand tu... Bon ben. Avec juste ta propre main. Mais écoute, ça veut dire qu'ils essayent en faisant l'acte. Ouais, ça, voilà. Ça, il peut avoir des accidents de travail. La CSST couvre tout ça, on ouais. Sait pas. Il y a une chaîne, premièrement, encore une fois, un fait. Moi, je prends des faits, puis il y a d'autres faits dans le fait qui m'intéressent. Il y a une chaîne de télévision de pornographie au Japon. Une chaîne de porno au Japon qui font des émissions originales et des œuvres de bienfaisance. Donc, il y a une chaîne de pornographie au Japon qui s'appelle Paradise TV. C'est pas une chaîne où on voit Stéphanie Paradis vendre du Tupperware. Paradise TV. Qui a fait un événement bénéfice nommé Erotica Will Save the World. L'érotica va sauver le monde l'année passée. C'est un événement de 24 heures de long qui était diffusé sur le web en direct et qui donnait de l'argent à la fondation Stop AIDS pour le sida, contre le sida. Et ben, bref, l'idée est bonne. L'idée est bonne. Ça, à la base, ouais. Et c'était assez chanceux pour y aller. Tu avais le droit de squeezer okay, les seins de 10 actrices de la porno japonaise. Oh. Okay? Mais en fait, il fait que c'est tellement japonais. Là. J'adore ça. Fait que tu donnes de l'argent, que tu laves tes mains de façon absolument adéquate. Et il y avait une seule stipulation. Tu avais seulement droit à squeezer deux fois par main et donc par sein. Si tu dépassais, fait que tu repayes. Ah! Tu me dis. Ouais. Tu sais, chacun sa dose. Oui, c'est ça. Mais sinon, il faut fixer des limites. Une pour toi, une pour moi. Une pour toi, une pour moi. Tu sais, t'as le droit de squeezer. Est-ce que tu penses qu'il y en a qui se sont essayés avec des tapoches ou. Tu sais, est-ce que ça. Ils ont dû y passer. Cock slap. Oui. Mais j'ai le droit. Mais j'ai le droit, c'est pas marqué, c'est pas un squeeze-squee. J'ai tellement le contrôle musculaire de mon cock que je peux squeezer. Fais ce que okay. Je veux. On va trop loin. Oui, là, on va loin. Là. Beaucoup trop loin. Le Viagra peut réduire les symptômes du décalage horaire de 50% environ. Ah, ouais. L'équipe de scientifiques en Argentine a découvert ça en faisant des tests sur les hamsters. Et apparemment, ça s'applique seulement quand tu voyages vers l'avant dans les zones horaires et non pas vers l'arrière dans le sens de... Je comprends pourquoi. Vers l'est. Vers l'avant. Tu prends du Viagra. Ah! Oh! Oh! Oui. Ouais, t'es peut-être simpliste. Ben, un peu, mais pas pire que celle de tantôt avec mon coq. On dit que c'est à cause des horloges internes des mammifères. Ça fonctionne à cause de la lumière du jour et, dans le fond, le manque de lumière la nuit. Et les scientifiques de la National University of Quilmes, ils ont changé le cycle de lumière, dans le fond, de lumière et de noirceur des hamsters, de 6 heures vers l'avant, un peu comme pour simuler un décalage horaire. Ils ont surveillé l'activité du cerveau des hamsters. Et typiquement, les hamsters étaient plus... ou les hamsters, le H, je sais pas, supposeur de liaison, bref. Étaient plus actifs pendant les cycles où ils faisaient lumière, où il y avait de la lumière, d'accord? Et donc, ils couraient dans leur petite roue d'hamster. Ils arrêtaient quand il n'y avait plus de lumière. Et quand ils se sont fait injecter du Viagra, bref, ça a comme plus facilement été adaptable. Ils se sont adaptés plus rapidement à ces cycles-là et ont continué à pouvoir faire la petite roue même quand il faisait plus noir. Wow! C'est intéressant. Ben, on devrait peut-être essayer ça. Ouais, ben, ils disent de pas le faire. Ah, c'est ben pas le... recommandé. Ils disent que c'est pas sur l'étiquette, fait que t'as pas le droit. Ah, bah, OK. Mais peut-être que c'est. En tout cas, ouais, bah. T'sais. Là, il y a quelqu'un qui va l'essayer, il va dire ça marche pas, puis là, finalement, ils vont le mettre sur l'étiquette. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ensuite de ça, une étude nous apprend qu'il y a beaucoup plus de naissances pendant la Saint-Valentin que les jours autour de la Saint-Valentin, surtout à cause des césariennes. Les césariennes, évidemment, qui permettent aux femmes d'avoir leur bébé quand elles le veulent. Et à cause de ça, ben, c'est pas très surprenant que les femmes choisissent des dates qui sont proches d'une fête cute, qui s'adonne à être semi-proche ou légalement correcte autour de la, du moment où avoir le bébé, genre. Bref, une étude récemment des certificats de naissance aux États-Unis sur une période de 10 ans. Suggère que les femmes, que ce soit par césarienne ou d'autres moyens naturels, choisissent la Saint-Valentin pour avoir leurs enfants. L'étude nous apprend qu'il y a 4% plus de fêtes à la Saint-Valentin que n'importe quel autre jour dans les deux semaines autour de la Saint-Valentin. Et contrairement à ça, il y a 5% moins de naissances à l'Halloween que les deux semaines autour. Ah, tu veux pas un petit monstre? Ben, c'est cute. Un petit monstre. Halloween? Ouais. C'est cute? Ouais. Vraiment cute. Ton bébé, à chaque fête, tu le déguises. En ce que t'aurais aimé qu'il devienne. Oui. Un avocat, un docteur. À l'époque médiévale, les cheveux roux étaient associés avec la dégradation morale et un désir sexuel intense. Cyrus International, d'ailleurs, la plus grande banque de sperme au monde, a commencé à refuser les roux. Ah. Complètement. La faible demande pour les bébés à cheveux roux, apparemment, a ses racines très, très loin derrière ça. Donc, en Égypte antique, on disait qu'on enterrait les hommes roux vivants. Et qu'à l'époque médiévale, les cheveux roux étaient associés avec une dégradation morale, comme je disais tantôt, et un désir sexuel intense. Les roux étaient même vus comme des vampires, des loups-garous et des sorcières ou des sorciers. Pendant l'Inquisition espagnole, les roux se faisaient persécuter. On croyait que leurs cheveux étaient un signe qu'ils avaient volé les feux de l'enfer. Donc finalement, les roux, c'est ostentatoire. C'est fait que la charte, là... J'ai plugué ça. Bravo pour la bonne utilisation, en fait, du mot. Merci. Parce que c'est pas un mot évident. Non. Non. Ah, c'était le mot du jour. Le mot du jour. C'est quoi, t'as dit? Astainbeu. C'était dans quoi, ça? Astainbeu, c'est genre. Jamais 203. Jamais 203. Je sais pas. Un téléroman en poche. Je pensais que t'avais dit Steinberg. Steinberg. Dans le passé. Hey, Woolworth, toi. Puis c'était quoi les autres qu'il y avait? Zellers. Non. T'es comme rétro kitsch récent, toi. Oui, c'est ça. J'ai un gros ranch. T'es très polyvalent, hein? Polyvalette. Les condoms, revenons aux condoms qui étaient illégaux aux États-Unis dans le temps. Ouais. C'est l'acte de Comstock de 1873 qui a fait que c'était illégal, selon la loi fédérale, d'envoyer des choses obscènes, des matériaux obscènes, du matériel, bref, peu importe, par courrier. Et la façon que la loi était écrite en 1973, ça incluait n'importe quel matériel qui était obscène, donc même les contraceptifs. La loi bannissait ouais. Les condoms et d'autres types de contraceptifs. Et la loi était fonctionnelle jusqu'en 1936. Ça a eu des effets secondaires. Par exemple, dans la Première Guerre mondiale, où j'imagine qu'on l'appelait à l'époque la guerre mondiale. Ou la guerre. Juste la guerre. Ouais. Les troupes se faisaient envoyer outre-mer ou genre ailleurs sans leur condom. Et bref, ça a mené à des maladies un petit peu partout là-dedans. Et c'est pas avant 1936 où un architecte a fait par exprès, dans le fond, il voulait vraiment envoyer une boîte de diaphragmes au Japon avec l'intention de poursuivre le gouvernement. Et la loi a finalement été annulée. Bon. Bref, enlevée. Finalement, ouf. Tant mieux pour eux. Mais tant mieux pour tout le monde. C'est intéressant. Ouais, c'est le fun. Si tu veux baisser ta libido, on veut tous baisser notre libido, oui, dans le tapis vert. Il faut avoir de la réglisse noire. Ah, c'est vrai. La réglisse, il y a beaucoup d'effets médicinaux. Bref, la médecine chinoise, oui, se sert de ça dans plusieurs traitements. Et les chercheurs nous apprennent que quand quelqu'un mange 25 grammes de réglisse, ça va affecter sa libido parce que la réglisse contient ce qu'on appelle de l'acide glycérinique. C'est de là qui, dans le fond... J'ai de la misère à le traduire en français, mais empêche de désactiver l'incirculation, le cortisol. Et là, je sais aucunement ce que je dis. Je dis sûrement absolument n'importe quoi. Mais le résultat, c'est que le niveau de cortisol va augmenter, ce qui va réduire l'action de la testostérone, ce qui va ensuite réduire la libido. Wow! C'est tout ce que je veux savoir. Ouais, finalement. Finalement, les la réglisse noire, moins de libido. Moins de libido! Sachez-le. Voilà. Ben, elle dépend où t'as à mettre, la réglisse noire. Ouais! Avoir des relations sexuelles dans une voiture, ça peut être inconfortable par moment. Pour empêcher ce malaise, des villes en Europe ont créé ce qu'on appelle les sex boxes. Oh, non. C'est pas une console de jeux vidéo, là. Non. Sex box. c'est très bon. Ouais. Très bon. En fait, c'est des stationnements, genre des petits stationnements avec des murs, OK? C'est comme des petites clôtures entre chaque et ça vous empêche de déranger les voisins. L'idée vient d'Allemagne. Zurich a récemment proposé la construction, eux aussi, de ces petites boîtes-là pour que les prostituées puissent travailler un petit peu plus discrètement. Il y a beaucoup de maisons à Zurich qui sont directement au-dessus du Red Light District. Donc, ils voient vraiment bien ces endroits-là. Et la police pense qu'ils ne peuvent pas se débarrasser de la prostitution, mais qu'ils peuvent au moins contrôler les regards vers... Indiscret. C'est une mauvaise bonne idée. Ben c'est vrai, c'est drôle. Ouais. Sinon... Ils peuvent mettre 2-3 à l'université. Là. Ouais. Sûrement. Genre, ce serait pas trop compliqué. Il y avait bien mis des petites machines à cartes là, à tous les deux coins de rue, puis finalement, il n'y en reste rien qu'une. Oui, c'est les anciennes par des petites sex boxes. Oui, exact. Oui, je propose ça. Il y en avait quoi, 12 avant les petites machines à cartes? Oui. Il y en a eu 2, genre. Et en plus, il y a l'entrée, puis tout, là, tout est fait. Ouais, tout le stop pour sortir. Tu sais? Waouh! Il pourrait y avoir un service à l'auto de Big Mac, et puis de l'autre côté, des sex boxes. Ah, oh, ça serait le plus beau jour de ma vie. Père œuf. Trop de détails sur ta vie. Non, mais pour le Big Mac, je parle. Ah, excuse. Ben oui. Et avec un extra pickle. Oh! Extra sauce. Extra. T'es encore meilleur. Ça. Oui. Bravo. Le plus récent fétiche japonais, fétiche sexuel évidemment, est d'envelopper des femmes dans des bandages pour attirer, dans le fond, ça attire. C'est comme une momie, genre. Ben, genre, ben pas. Mais c'est comme une blessée, genre. On dirait. La photo est claire, mais j'avoue qu'à la radio, c'est difficile d'expliquer. Mais elle porte un bandage peut-être sur l'œil, sur le bras, etc. Ah, OK. Donc, c'est une nouvelle mode au Japon qu'on voit dans le célèbre Harajuku Precinct, où la mode est à 10 ans devant tous les autres pays de la Terre, nous dit-on. Ah, bref. Oui, je suis sûr. Kegaduru, ou poupée blessée, et la pratique d'envelopper ta tête et des parties de ton corps dans des bandages comme si t'étais blessé. Les bandages blancs indique la grâce d'une vierge, alors que le bandage noir dénote quelqu'un de rebelle et genre méchante. Wow. C'est comme kinky au bout, là. Ouais. Genre avec le fouet. C'est cool quand même. Certains gens souffrent d'un désordre génétique prédéterminé et qui va causer de la congestion pendant les relations sexuelles. En tout cas, moi, c'est pas mal pendant qu'on parle de kinky. Ça se pourrait que j'ai ça. OK. On te regarde te moucher. Non, OK. Donc, la rhinite de la lune de miel, je l'ai traduit littéralement en français, c'est honeymoon rhinitis, qui est une condition où la personne qui en souffre vit une congestion nasale pendant les relations. Et la condition est génétiquement déterminée et c'est causé par la présence dans le nez d'un tissu érectile qui peut devenir, qui peut dans le fond emmagasiner ou bref, accumuler le sang pendant les relations. Parce que quand t'es excité d'en bas, ben t'es excité dans le nez aussi, bref. C'est quand même bizarre. Et ça va amener des changements, bref, c'est ça, dans le nez. Et puis, on dit qu'une condition reliée qui existe aussi, c'est les gens qui éternuent, des fois sans contrôle du tout. Donc, ils peuvent juste pas contrôler leur éternuement. Et c'est ça. Donc, aussitôt qu'ils pensent à des activités sexuelles ou qu'ils s'y engagent. Oui, ils éternuent. Ah! La congestion nasale, qui est aussi un effet secondaire du Viagra. OK. Très intéressant. Oui, quand même. Je verrai plus personne qui arrive plus à se retenir d'achoumer comme... De la même façon. Achou! Achou! Tu t'es mouché, on t'a même pas vu. Ah, j'ai bien fait ça, hein? Même sur la webtail. Ah, pas. Brian, ça existe pas. Brian Zembic, qu'on le surnomme Wiz. Tu le connais peut-être par son histoire. Je vais t'en raconter un petit peu une partie de son histoire. Il est né en 1961. Donc, c'est un magicien et un gambler à hauts enjeux, tu sais, genre qui gagent des gros montants. Il est spécialisé dans le blackjack et le backgammon. Je savais pas qu'on pouvait gambler sur du backgammon, tant mieux. À la fin des années 90, il est devenu célèbre parce qu'il, dans le fond, il faisait n'importe quoi pour gagner une gageure. Et sa gageure la plus importante, sa plus célèbre, c'est en 1996, quand il a bien voulu recevoir des implants mammaires. Il les gardait pendant un an en échange de 100 000 $. L'année est passée, ou s'est déroulée, et il a gagné sa gageure, mais il est devenu tellement accoutumé, tellement habitué d'avoir ces seins-là qu'il les a pas fait enlever. Ah! Il y a une photo de lui sur assemblagerequis.com. Évidemment, parce que je fais ça pour vous, là. Ben oui. Quand même. Ça mérite d'être vu. Il y a des petites étoiles, c'est mamelons. Ben, je vais aller voir ça tout de suite. C'est que c'est pas des mamelons de femmes. Fait qu'en tant que tel, c'est pas genre... C'est pas déplacé ou non, ça devrait pas être censuré, tu sais. Ah. Mais bon, bref. Mais maintenant, On est rendu là, dans la société d'aujourd'hui. Le premier film pornographique a été fait en 1896, quelques mois après le premier cinématographe. Le coucher de la Marie est souvent vu comme un des premiers, sinon le premier film pornographique à avoir été filmé. C'est un film français de Eugène Pirou en 1896. Presque tout le film est perdu, seulement 2 minutes sur 7 de préliminaires est toujours en existence. Des préliminaires, on s'entend que c'est pas nécessairement ce qu'on voulait voir. Le film a capitalisé rapidement sur cette nouvelle technologie-là du cinématographe, qui a été breveté en 1892. Et le premier film non pornographique à avoir été joué sur cet appareil-là en public était La sortie des usines Lumière à Lyon en décembre 1895. Oh. Génial. Et d'ailleurs, le premier film à avoir montré du vrai sexe à l'écran a terminé avec un des acteurs qui a finalement contracté une maladie transmissible sexuellement. Oh, ouais. Sweet, Sweet Backs, Badass Song. C'est un film de 1971, un drame indépendant, écrit, produit, réalisé, musique de et mettant en vedette Melvin Van Peebles. Sweet, Sweet Backs, Badass Song. Oh oui. Ah, le film raconte l'histoire d'un pauvre homme afro-américain alors qu'il essaie de s'enfuir de l'autorité blanche. C'est aussi le premier film non documentaire à inclure des scènes de sexe qui ne sont pas des simulations. Et là, j'avais pas pris en note le reste de l'article, mais j'ai envie de le lire un petit peu. C'est un jeune orphelin afro-américain qui est amené par le propriétaire d'un bordel de Los Angeles dans les années 40, qui dans le fond qui est pas accepté, mais genre pris en charge par un bordel. Et pendant qu'il travaille là comme towel boy, il perd sa virginité à un jeune âge avec une des prostituées de la place dans le bordel. C'est l'histoire du film. Et les femmes le nomment Sweet Sweet Back à cause de ses prouesses sexuelles et de son énorme engin. Moi, j'avais pas pris ça en note, mais pour vrai. Il était déjà... Il était wild. Il était wild, born to be wild. Il était badass. Badass. Oui. Donc, le film a eu des conséquences pour le bel homme au grand engin. Il a finalement ramassé une ITS. Mais heureusement... bref, ça, il a pu faire de l'argent là-dessus parce qu'il a pris un Workers' Compensation. Ça, c'est l'affaire un peu comme la CSST. Oui. Donc, il a réussi à avoir de l'argent à cause de ça. Il s'est comme blessé au travail. Oh. Et ben, malade. Voilà pour Kinky Sexy Time. Ah, c'était bon. C'était badass. Oui, vraiment. C'était bon. C'était bon. J'en veux encore. Cigarette? Non, merci, j'arrête. nous, on va continuer avant de passer à Charles-Antoine Rioux. Oui. Et sa chronique de trucs et astuces du Club Plénaire Écutaire. On s'en va entendre une chanson de... est-ce que je l'ai fait la semaine passée, cette blague-là? Sur Radical Face et que ça venait en face? Oui, je pense que oui. Non, je pense pas. Attends, je vais en prendre une autre. On avait fait une joke sur Splash Face. Splash Face, il y a ça. Mais non, j'essaie de varier mes blagues de fin de chronique King Sexy Time. OK. On va y aller avec Luscious. OK. La pièce s'appelle Turn It Around. Enlevez toi de bord. C'est sûr que ça rentre. Oh, she's looking through the écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. La bière de la semaine. Une présentation de La Barrique, le magasin de bière à Trois-Rivières, 4170 Boulevard des Forges. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, il y en a qui me disent des fois que je suis un peu à pic, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben qui mangent la merde. Eh bien oui, le moment tant attendu par les animateurs. Eh bien oui, c'est le temps de la bière de la semaine. Michel, aujourd'hui, on boit quoi? Tu l'as-tu checké? Non, c'est quoi? Tu voulais pas le dire, hein? Non, c'est la Dominus Vobiscum Double. Une excellente bière forte, épicée. Je dis déjà excellente parce que je la connais. Format poupée de 500 ml à cajoler. Donc, une excellente bière de type belge. Je vous envoie un peu... Ah, donc, tu y avais déjà goûté? Ouais, j'ai goûté 1000 fois cette bière-là. C'est une valeur sûre. Donc, une bière artisanale sur levure au goût évolutif, brassée à partir d'ingrédients naturels sans additifs. La Double est une bière à la robe brun cardinal, d'une structure complexe et à la riche palette aromatique. Son nez de fruits confits, de raisins secs et d'anis laisse deviner un corps onctueux, légèrement liquoreux. C'est une grande bière de dégustation à savourer délicatement avec un être sympathique. Donc, un petit goût de réglisse, semble-t-il. Oui, il y a beaucoup de trucs. C'est sucré, là. C'est une bière sucrée à 8% d'alcool. On s'attend à quelque chose de très, très rond. Presque une Scotch Ale. Je sais pas si tu connais un peu les Scotch Ale. Ça ressemble un petit peu à ça, moi, je trouve. C'est une bière du type belge double. Mais elle est pas loin avec ses maltes caramélisées, sucre d'orge un peu. C'est bien intéressant. En tout cas, on va aller voir ça tout de suite. On baisse la trame et on l'ouvre. Tu m'aimes? Pas trop? Ça va. C'est cool. On va s'aimer. On va remonter la trame. Ça va être moins plate pour les gens. Santé, mon cher, santé. Donc, on va s'envoyer une petite gorgée, on va se faire un petit chin ici avant de... Pas trop au-dessus des machines. Un petit chin pas au-dessus des machines. Donc, on s'envoie une gorgée, on vous revient dans deux instants. Ah, c'est complexe. J'essayais de définir avec une petite respiration, là. Ah, tout à tisse en culotte de velours. C'est très, très charmant et charmeur comme goût. Il y a des gens qui vont dire « Ah, ça goûte fort, tout ça », mais non, moi, je trouve que c'est des bières qui sont simples et bonnes, équilibrées. Au contraire, je m'attendais à quelque chose de plus puissant que ça. OK. Non, ça passe très, très, très, très, très bien, là, cette bière-là. C'est justement microbrasserie de Charlevoix. Si vous voulez vivre l'expérience complète, rendez-vous à Baie-Saint-Paul. C'est un endroit extraordinaire. Moi, je connaissais pas Baie-Saint-Paul. Ben, je savais c'est quoi, la Baie-Saint. Mais j'ai arrêté là une couple de temps. Et puis, la micro, ils ont leur restaurant, leur brasserie. Puis, ils ont une genre de shop plus loin. La bouffe est excellente. J'ai mangé un petit hamburger à l'agneau là, avec cette bière-là. C'était magnifique. Donc, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Qu'est-ce qui te vient? Ben, je m'attendais à plus d'anis que ça, mais c'est vraiment subtil, là. Moi, je le sens pas tant, l'anis. Mm-hmm. Je goûte plutôt le caramel. Ben, t'as parlé de fruits confits tantôt. Ouais. C'est un petit peu ça, là. Moi, je sens plus le fruit confit que l'anis, ça, c'est clair. La couleur, premièrement, une belle couleur brune, pas complètement opaque, mais quand même voilée, là, c'est pas une bière claire. Une belle mousse dorée, je dirais. Ouais, des reflets assez incroyables. Hein. Oh oui. Si tu regardes le fond. Là. C'est rougeoyant, ouais. C'est caramel, c'est vraiment, vraiment une belle bière. Effervescence parfaite, pas trop, pas peu. Un col qui colle un petit peu, mais pas ça fait pas une énorme dentelle. Là. Ben c'est ça, l'amertume est quand même subtile. Hein? C'est pas... on la sent presque. Moi, c'est le genre de bière qui a presque pas d'amertume. Puis c'est pour ça que moi, quand j'ai commencé à boire de la bière, c'est le genre de bière que j'aimais parce que quand j'ai commencé, je tripais pas amertume. Aujourd'hui, j'ai développé ça. Même j'aime des bières qui ont une amertume. Mais ça se boit tout seul. Là. C'est du petit jus, comme on pourrait dire. Wow. Je vais t'envoyer des petites descriptions de qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à sur ratebeer.com. On va aller voir ça tout de suite. On va y aller avec Viper666 qui est assez éloquent dans sa description d'habitude et il en a quand même critiqué 2763. Premièrement, il part bouteille de 500 ml de couleur brune et claire. OK. Nez de réglisse noire de malt toffee. Du toffee. Ben, caramel. Ah oui, caramel. Levure épicée, léger poivre et clou de girofle, note de muscade. Pas tant, moi. Je trouve que j'ai pas tant de poivre là-dedans. Peut-être plus muscade un peu. Moyennement fruité, figue, oui. Léger raisin, trace d'agrumes sucrés, de prunes et de pommes. Plus de prunes, plus le côté, comme tu dis, confit. Oui, absolument. Ce genre-là. Avec des notes d'alcool et de sucre brun, oui, tout à fait. Moyennement ronde en bouche, avec un pétillant moyen et une texture légèrement crémeuse. Moi, je la trouve très crémeuse. C'est licoreux. Hein, c'est très licoreux. C'est ça. Moi, je la trouve vraiment licoreuse, très ronde en bouche. Ils disent moyennement ronde. Moi, je trouve que c'est une, tu sais, c'est rond. Là. C'est vraiment très, très rond. Pour vrai. Ça roule. Ça roule, ça roule. Le goût de levure fruité, moi, tout à fait aussi, les levures. On sent vraiment le pain, là. Mais le pain sucré, le pain d'épices, presque. On y va avec quoi? Ici, il dit moyen. Il dit, c'est là qu'il dit muscade, anis, note de clou de girofle. Très subtil. C'est trop piquant du clou de girofle ou l'anis. Je me fie sur lui parce que t'as dit qu'il y en avait 2800 en arrière de la cravate. Ouais. Là, probablement qu'il est plus habitué que moi, mais je le sens pas tant que ça. Ben moi, je pense que ta bouche est aussi importante que la sienne. Oui, je comprends, mais il y en a qui sont habitués à le détecter, le petit... Oui, mais faut dire aussi que Galui a fait sa critique le 15 janvier 2013, OK? Okay. Donc, ça ne veut pas dire que c'est exactement le même brassin à la goutte près. Là. Il peut avoir... tu sais, on est dans la microbrasserie. Là. On n'est pas chez Molson qui ont un standard toujours pareil, toujours qui goûte l'eau puis rien d'autre. Eux autres, des fois, il peut avoir une variable qui fait qu'il y a un petit peu plus d'épices ou qu'il y a un petit peu... Ça, on peut... puis comme aussi, c'est... Tu sais, quand on dit les goûts sont dans la nature, hein, des fois, on peut ressentir quelque chose qui donne poivré, l'autre va être plus anissé, va être plus... ça peut être juste ça aussi. Sinon, lors de l'entrée en bouche, auquel vient se joindre un goût malté de caramel toffee, ouais, du toffee, léger sucre brun, des traces de sucre de bonbon, tantôt je disais sucre d'orge. Mm-hmm. Puis une finale, on retrouve une légère amertume d'alcool doux avec des notes poivrées et de houblon herbeux. Oui, mais moi, plus pain, plus céréales que herbeux, moi, je trouve. Tu sais, quand on... Je trouve pas que c'est très herbeux, personnellement. Vraiment épicé. Moi, je trouve ça... le goût épicé. Hein? Ouais. En tout cas, c'est une très bonne bière. Ça, c'est sûr. Il y a plusieurs qualificatifs qui sont passés depuis le début. Exactement. Là. Fait que quand on la sent là, c'est signe que c'est une bière qui est efficace. Post-goût, donc l'après-goût, il dit long et un peu sec. Légèrement amer d'alcool très doux. Moi, je trouve pas, personnellement. Je trouve le post-goût, il est long, oui, mais pas sec, pas amer non plus. Il dit moyen d'anis, encore, il revient avec son mou de raisin, etc. Sinon, on va y aller avec Bière-Luc. On en parle souvent ici, Bière-Luc, qui en a quand même critiqué quelques-uns. Lui, il l'avait dégusté en fût à l'aveugle. Ah. Fait que ça, c'est intéressant. Des fois, t'as pas l'idée. Dans un verre noir, dans le cadre de l'Iris du Gougon, qui est un événement de dégustation de bière, il dit, justement, il est pas influencé par rien. Nez sucré de mélasse, moi, tout à fait. En bouche, il dit, on vacille entre les raisins secs, le caramel, le malt généralement grillé et le bonbon. C'est pas loin de ça. Et là, il dit, selon mes souvenirs pas si lointains, la version bouteille était plus épicée et moins sucrée. Il dit, cette fois, j'ai eu l'impression d'avoir un Scotch Ale dans mon verre, comme quoi les styles peuvent bien parfois s'avoisiner. Ouais, c'est assez réel, assez, assez juste. Sais-tu si tous les ingrédients viennent d'ici? Parce que, tu sais, bien souvent, ils font ils vont les chercher dans des pays X. Là. Ben, d'après moi, c'est sûr que les houblons, les levures doivent être belges. Ouais. Ça, c'est bien probable. Il n'y a pas vraiment d'informations là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'ils me disent? OK, ils disent ici, la double est une robe d'un... Ça, c'est la description de la compagnie, mais qui n'est pas sur la bouteille. OK, peut-être qu'ils disent. Il nous dit... Ah non, c'est la même chose, brun cardinal. OK. Elle peut se conserver 3 ans. Enfin, donc, une bière qui peut se garder à vieillir très, très bien. Et puis, il nous dit aussi que l'IBU est à 10. L'IBU à 10, là, c'est l'indice d'amertume. On a des bières qu'on a eues à 120, 100, à 60. Wow. Lui, l'IBU est à 10. Fait que les gens qui disent l'amertume, moi, je suppose qu'ils la trouvent. Il n'y a pas d'amertume dans ce bière-là, non, je trouve. Tout de suite, ça a été ma première distinction sur la bière. Là. Vraiment, hein, parce que ça rentre tout seul. Et pourtant, c'est une bière là, à 8% d'alcool quand même. C'est pas du jus de raisin, là, on ne s'inquiète pas. Mais on pourrait le boire comme du jus de raisin. On pourrait le boire facilement comme du jus de raisin. Si on s'en va avec un autre ici qui nous dit Awake. Awake, un gars de Laval qui en a critiqué 39. Fait que, gars, tu sais, il n'est pas plus que nous. Bouteille de 500 ml. Il dit déguster 8 mois après l'embouteillage. Ça, c'est sage. C'est hot de faire ça. Il est quand même bon. Bière brune avec reflet rougeâtre et une belle mousse beige très dense. Odeur de fruits mûrs, raisin sec, caramel et malt brûlé. En bouche, on goûte le caramel, le malt brûlé, les nombreuses épices. Aucune amertume, c'est ce qu'il dit. Le sucre résiduel reste présent sur les lèvres après chaque gorgée. En somme, un bon produit. Je pense que, gars, tu vois, il y en a critiqué 39, là, puis c'était très, très juste. Oui, mais il a dit 8 mois après l'embouteillage, pas 8 mois après l'achat. Ah, c'est raison, hein? C'est vrai, parce qu'ici, on peut regarder la date. 2013-01-04. Ah, tu vois, en janvier. Ouais. Donc, ça fait quasiment un on an. On a un an, donc on a vraiment un produit exceptionnel, là. On est chanceux, parce que... Ouais. C'est difficile d'avoir une bière qui est vieillie un an chez soi. Bon, c'était-tu une collection particulière de la barrique, ça? Presque. Cette bière-là, juste pour vous dire, en overhaul, donc selon tous les critiques, elle a eu 98. Et par rapport à son style, ça c'est sur 100, là, 98, à l'école, on était comme contents, hein? Eh bien, selon son style, à 99. Donc, c'est une bière qui est presque... parfaite, on pourrait dire. On y enlève un petit point parce que la perfection n'est pas de ce monde, il paraît. Mais donc, si vous voulez déguster une excellente bière qui est presque parfaite... 9%, par exemple. Il faut faire attention, oui. On n'en prend pas 8 du genre. Non, mais c'est des bières de dégustation. Et puis, c'est le genre de bière, pour vrai, qui est encore meilleur à partager. Même si tu en boirais 2-3. Mettons, on est à soir, on s'amuse, on a 3-2, là, ça va passer comme... Es-tu au courant des prix? Ça doit être à peu près 5-6 $, là, ça. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, c'est très, très bon. Les prix, je n'y regarde pas bien, m'a dire, à la barrique. Non, mais nous, elle est fournie, mais même quand je me prends des petits cadeaux pour moi, là, je les prends pas parce que, tu sais, quand on ajoute un vin à 15-20 $, on regarde pas, ça nous dérange pas. Ouais. Fait que je me dis qu'à peu près pour une bière, un produit qui est autant de qualité, qui a autant de travail, de savoir-faire... T'as-tu déjà vu une bière en haut de 15 $, toi, malgré la taille et le je l'ai vu. Ouais. Ben oui, plein. Ah oui? Oh oui. avec ma copine, à sa fête, eh bien, on est allé au trèfle. OK, on est allé au trèfle, puis comme j'ai déjà été en Belgique, je connais quand même un petit peu la bière. Ouais, mais là, le trèfle prend sa cote, quand même. Le trèfle prend sa cote, mais écoute bien le prix de la bière. OK. c'est on peut le dire West-Vlateren ou une West-Vlateren, là, qui est considérée comme la meilleure bière du monde, OK? Et puis la petite 330, même pas 375, est à 32 $ la bouteille. Au trèfle? Au trèfle. OK, ça veut dire que ça vaut à moitié prix, disons. Mais ça vaut pas ça, moi, je trouve. Moi, ça. Sérieux, elle est bonne. J'en ai pris deux dans ma vie, des vestes de terrain. J'en ai pris une en Belgique, puis une ici. Et puis, ça vaut pas 32 $. Mettons que 10 $, là, ça serait plus normal, tu sais. On se l'est pris, c'était à la fête à ma blonde, une petite 330 à deux. Puis on était comme contents, puis ça a quand même cassé notre portefeuille pour la soirée. Fait que, quand même, si vous voulez avec quelque chose qui est beaucoup plus abordable, vous en achetez une coupe, là, divisez une bouteille comme ça à deux, c'est l'équivalent d'une portion, à peu près, moi, je trouve. Tu sais, un 500 ml, mettons, prenez un 500 ml par deux personnes que vous avez. Si vous avez 6, 7 personnes, ben, achetez-en 3, 4. Puis vous allez être content. Tout le monde va être content. Et puis, pour changer, essayez d'autres choses. D'excellente bière après le repas, ça aussi, hein, pour digérer. Là, c'est très, très bon. Même avec le dessert. Avec le dessert, tout à fait. Vraiment très, très bon. Même avec des trucs sucrés, tu sais, des foie gras, puis des affaires de même, là, ça se boit, ça se mange, ça se boit. L'accord est parfait. Bon, c'est peut-être des bonnes idées parce que c'est la fête de ma copine demain. Exact. Peut-être y a une bière. C'est une excellente. Une autre bière qui est excellente là, en ce moment, c'est le temps des fêtes. Et puis, c'est qu'elle, la Dominus Vobiscum, je veux juste noter qu'elle est présente toute l'année. Okay. Tu sais, c'est pas une bière spéciale, c'est pas une bière de Noël, c'est pas une bière édition quelconque. Ils la font, ils la virent, ils la tournent toute l'année. Mais si vous voulez faire des cadeaux spéciaux, comme là, il y a les Trois Mousquetaires qui ont sorti leur réserve de Noël. C'est une belle grosse 750 millilitres, là, si tu veux faire un cadeau à ta copine. Mais c'est sûr que peut-être tu retrouveras pas ce goût-là. Tu sais, mm-hmm. On s'entend, c'est ça, tu l'as déjà goûté, tu sais à quoi t'attendre. Mais l'autre, un peu dans le même genre, très, très sucre d'orge. Ça goûte les fêtes. Ça goûte chez grand-maman. Ça goûte les pâtisseries. À 10 % je pense, la bière. C'est un très, très bon produit. Je m'en achète tout le temps. La seule chose qui est triste, c'est ça, c'est qu'il faut faire des réserves parce qu'il n'y en a pas durant l'année. En tout cas, 9 % ça fait tourner la tête un peu hein, le matin. C'est génial. Surtout quand on est à jeun, comme moi, je déjeune pas le matin. Fait que ça tombe à la bonne place, comme on dit. Sur ça, eh bien, j'ai le goût d'aller écouter une petite pièce musicale. Ça te tente-tu? Oui, absolument. On va s'envoyer quelque chose, puis on va en mettre deux de cette soundtrack-là parce que c'est un article qui m'a fait penser à ça. C'est la soundtrack du film Snatch. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non, absolument. C'est un vieux film, ça, avec... la traduction française, c'était « Tu braques et tu raques », je pense. C'est Guy Ritchie qui a réalisé. Brad Pitt est là-dedans. C'est hallucinant. Il joue un rôle d'un manouche, là, qui... T'entends même pas... Tu l'entends même pas parler. Tu comprends rien de ce qu'il dit. Et puis, il y a chose, là, Jason Statham, qui est là-dedans. Là, tu sais, Castor, il fait tous les films d'action, là. Mais dans ce temps-là, c'est comme son premier film qui a été découvert, là. Et puis, la trame sonore est excellente. On va aller écouter la pièce Disco Science de la formation Mirrorway. Vous êtes toujours dans le Dîner de con? Restez là.

Non. Ben non, on répond toujours non, hein? C'est sûr. Autre question où on répond toujours non, c'est la question « Ça t'arrive de faire l'amour en pensant à une autre? » Non, jamais. Autre question, avez-vous l'intention de commettre des activités illicites, criminelles ou terroristes sur le territoire américain? Question que vous pouvez répondre non, mais je pense que vous allez avoir moins de problèmes si vous répondez. Vous pouvez répondre oui, mais vous avez moins de problèmes si vous répondez oui. Non. Hein? J'étais un peu mêlé. Oui. Sinon, autre question. T'as pas une brosse à dents à prêter? Celle-là, je la trouve excellente. Autre question. À l'église, le prêtre vous dit allez-vous prendre ce gros dégueu pour époux? On va dire non, ça c'est sûr. Quelqu'un qui t'arrive et qui dit « T'es raciste, toi, hein, je pense? » Non, tu vas répondre « Non, moi, je suis pas raciste. » Pas du tout. Autre question, on va répondre non. Il paraît que tu as t'as de la gomme. Ça a l'air que t'as de la gomme. T'en as-tu trop? Non, hein? Et oui. Autre question, si votre copine vous demande « La trouves-tu plus cute que moi, celle-là? » Les gars, répondez non. Non. Autre question. Quelqu'un arrive et te dit « Hey, c'est-tu toi qui m'as refilé l'herpès? » Non, pas du tout. C'est pas moi qui ai refilé l'herpès. Ici, autre question pour « Bonjour. Vous pouvez me prêter votre portable pour que j'envoie un SMS? » Toujours répondre « Non, toujours mieux. » Chérie, est-ce que la taille, ça compte vraiment? Hein? La grosseur, c'est-tu vraiment important, ma belle? Chérie, est mieux de répondre non, parce que sinon, le monsieur, il sent pas bien. Autre question, est-ce que ça te dirait une petite partie de rouge ou noir? Non? Oh, OK. Autre question, vous êtes de la police? Toujours non. Hey, sais-tu comment on dit ça en allemand? Non. Tu le sais pas comment ça se dit en allemand. Et est-ce que vous voulez une extension garantie de 2 ans pour seulement 79,99? C'est pas cher, c'est la garantie prolongée. T'avais-tu? C'est tous les clients l'ont pris. Répondez non. Hein? Donc, un beau petit top bien sympathique qui est très inutile, mais en même temps bien drôle. Ici, un autre truc. Un Norvégien en fauteuil roulant arrêté pour conduite en état d'ivresse. Eh bien oui, c'est un jeune Norvégien à la mobilité extrêmement réduite qui fait face à de possibles poursuites judiciaires après avoir été arrêté pour conduite en état d'ivresse sur son fauteuil roulant motorisé. Eh bien oui, et c'est sur son volant, c'est sur son fauteuil qui était sous. Souffrant de dystrophie musculaire, Théogir Benjaminsen regagna son domicile après une soirée arrosée quand une patrouille l'a intercepté sur son quadriporteur sur la voie publique à Molde, une ville à l'ouest de la Norvège. Normalement, je roule sur le trottoir, mais là, il y avait de la neige et j'ai donc emprunté un tronçon de la chaussée en me disant que je remonterais sur le trottoir un peu plus loin où la neige avait été bien déblayée. C'est ce qu'a confié l'étudiant. Donc, le soupçonnant d'être ivre, ce qu'il admet, mais aussi d'avoir volé l'engin, la police l'a intercepté, conduit à l'hôpital pour un contrôle éthylique, puis ramené chez lui après avoir confisqué le quadrimoteur dont la vitesse ne dépasse pas 10 km/h. Le jeune homme n'a pu récupérer son fauteuil roulant motorisé que 4 jours plus tard, le temps d'être blanchi des accusations de vol. Il n'a pas pu se déplacer pendant tout ce temps. La police n'a pas encore décidé si elle donnerait des suites à l'affaire d'alcoolémie. Il s'agit bien d'un engin motorisé, a fait valoir Tove Mellister, un responsable de la police locale. Il pourrait y avoir des conséquences malheureuses pour la sécurité pour sa sécurité propre ou celle des autres, a-t-elle expliqué. Interrogé par le journal Verdengang, qui a sorti l'histoire, la Fédération norvégienne des personnes handicapées a estimé que de telles poursuites ne seraient pas conformes à la loi qui assimile les individus en fauteuil roulant motorisé à des piétons. Donc, c'est ça. L'idée est faite et puis c'est comme ça. Parce que être en fauteuil roulant, c'est pas conduire un véhicule motorisé. Là. C'est ton moyen de transport, c'est tes jambes. Hein? Faut pas capoter, comme on dit. Ici, je vous propose de choisir votre sapin de Noël par les mathématiques. Assez particulier, vous allez voir. IPCA, Nordman ou bien artificiel ou sapin baumier ou autre. Pour bien choisir son sapin de Noël dans la diversité des variétés proposées, un expert en mathématiques de l'Université de Kingston à Londres a conçu une méthode qui, en 4 questions clés, vous conduit au bon choix. Premièrement, première question, préférez-vous un arbre naturel? Si vous répondez non à cette question, eh bien, l'achat d'un sapin artificiel s'impose. Si vous répondez oui, il vous reste 3 étapes avant d'être fixé sur l'espèce qui vous convient. Aimez-vous un arbre bien gros et bien touffu? Voulez-vous que votre arbre ait un parfum de Noël? Souhaitez-vous décorer votre arbre de la tête aux pieds? L'arbre décisionnel de Noël, construit par Gordon Hunter, est basé sur une méthode scientifique utilisée couramment pour aider à résoudre des personnes complexes, par exemple par les médecins pour poser un diagnostic ou encore pour prescrire un traitement adapté. En l'occurrence, pour le sapin de Noël, il prend en considération les facteurs de choix tels l'odeur, le style, la couleur ainsi que la taille. Mais la taille, c'est pas important, hein, chérie? Donc, Gordon Hunter a révélé le défi lancé par une grande chaîne de jardinerie britannique qui souhaite aider ses clients à choisir la bonne variété de sapin, celle qui était le mieux adaptée à leur goût personnel. Le meilleur, je vous le dis, moi je vous le dis, avant même d'avoir fini l'article, c'est le sapin baumier québécois. C'est intéressant de recourir à une méthode que j'utilise dans mes recherches pour identifier une application saisonnière originale accessible à tous, a commenté le chercheur cité dans un communiqué de l'Université Kingston. Maintenant, avec l'aide de l'arbre décisionnel, nos clients passeront moins de temps à examiner les nombreuses variétés disponibles et auront donc plus de temps pour réfléchir à la manière d'en faire resplendir leur super sapin. C'est ce qu'a souligné de son côté Steve Guy, expert en sapin de Noël, pas en sapin, en arbre de Noël de la chaîne de jardinerie Dobies. L'année dernière, 2 étudiants de la société mathématique de l'Université de Sheffield avaient déjà mis au point une formule mathématique pour déterminer la quantité idéale de boules ainsi que de guirlandes en fonction de la hauteur du sapin. Hein? C'est-tu pas des gros dossiers importants? Ça, c'est extraordinaire. Et puis, tant qu'à être dans les dossiers de première importance, on va aller parler de mon jeu préféré depuis longtemps. Et puis, c'est vraiment un jeu qui m'a remis un peu accro à ma console. J'avais perdu ça. Je pensais même plus avoir le goût de jouer un jour à des jeux vidéo. Eh bien oui, je vous le dis, je vous le donne en mille. GTA V dans la réalité. Je vous invite à découvrir l'hilarante parodie de Trevor. Donc, si vous pensiez que Trevor, qui est un des 3 protagonistes de l'histoire de GTA V, eh bien, n'existait que sur votre écran lors des sessions de votre jeu GTA V, je vous dis, détrompez-vous. Dans cette parodie, Nathan Barnett incarne l'un des 3 personnages principaux du titre de Rockstar Game, Trevor, plus connu pour ses tendances psychopathiques et son addiction à la dope. Il faut dire que le bougre n'en a pas eu une vie facile. Il est né dans la campagne canadienne. Il a été très jeune confronté à la violence et s'est ensuite engagé dans l'armée de l'air américaine en tant que pilote de chasse. Sa carrière achevée, il est dédié au développement de son business avec le Trevor Phillip Enterprise. Dans la vidéo que je vous propose d'aller voir sur notre page Facebook, eh bien, notre maniaque a un souci, se débarrasser du corps d'un homme accidentellement mort la veille pendant une fête. Mais la tâche n'est pas si simple pour le criminel qui va donc demander de l'aide à des personnes dans la rue. Ces dernières seront d'ailleurs peu coopératives et auront du mal à le prendre au sérieux. Si certains ne verront aucun problème à aider ce YouTuber à se débarrasser du cadavre, d'autres se montreront plus hostiles et ne verront pas le côté absurde de la situation. Trevor ira jusqu'à même à demander à un Uber de lui prêter sa poussette afin de transporter le corps ou à même demander à la police s'il faut un permis pour se débarrasser d'un mort. Son imitation de Trevor est plutôt convaincante. Vous connaissez probablement Nathan Barnett pour ses vidéos de freedance qui ont submergé le web depuis 2 ans. Avec son physique de nerd et ses mouvements saccadés, Nathan a fait le buzz sur Internet, en particulier avec sa vidéo de danse sur une musique de pop culture. Culture Pop, du français Madeon, qui a récolté plus de 5 millions de vues à l'heure actuelle. Les internautes ont alors été conquis par la qualité du montage et la chorégraphie pour le moins atypique du personnage. Avec cette vidéo, Nathan Barnett se positionne sur un tout nouveau genre qui pourrait bien poursuivre sa lancée en tant que star du web. Allez voir cette vidéo, très, très sympathique. Et puis, tant qu'à être là, allez voir un autre lien que je vous ai mis. Et on voit Monsieur Hogg. Monsieur Hogg, c'est lui qui fait le vrai Trevor. C'est lui le vrai Trevor dans GTA V. Lors d'un Comic-Con, donc une conférence là, de geeks là, qui trippe ses bébelles puis sur les jeux vidéo puis sur les comics. Et puis, la vidéo est vraiment sympathique. Ça dure quelques secondes. C'est un des fans qui lui demande à Monsieur Hogg de venir faire une réplique de son personnage, de Trevor. Et puis, ça vaut 100$. Allez voir ça, c'est bien, bien intéressant. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez lecefou.ca.

assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cifou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. On commence tout de suite avec ce petit titre qui choque les Allemands. C'est une trappe pour les bébés abandonnés dans une trappe pour les bébés abandonnés dans un hôpital de Berlin qui fait polémique complètement en Allemagne. On le sait, les gens aiment ça, se choquer pour rien. Parce que quand même, s'il n'y a pas de trappe, il va y avoir quand même des abandons de bébés. Ce n'est pas une promotion pour l'abandon de bébés. Les tours d'abandon ou les boîtes à bébés sont des lieux situés généralement dans les hôpitaux où les mères peuvent laisser leur nouveau-né afin qu'il soit pris en charge par une équipe de soins. Très utilisée au Moyen-Âge, cette méthode avait plus ou moins disparu jusque dans les années 90 où certains centres hospitaliers ont réhabilité ces trappes de la façon un petit peu plus moderne. C'est le cas à l'hôpital Saint-Joseph à Berlin. Surmonté d'un panneau où l'on peut lire « Baby Clap » ou « Guichet pour bébé », la trappe se compose d'une boîte en acier chauffée dans laquelle chauffer, fait que le bébé est parfait à 300 degrés pendant 3 heures. Ça vous fait un excellent braisé. Donc, chauffée dans laquelle on retrouve un oreiller ainsi qu'une couverture. Sitôt qu'un nouveau-né y est déposé, une alarme retentit dans l'hôpital et des soigneurs viennent les chercher dans les 2 à 3 minutes qui suivent. Donc, il n'est pas laissé à lui-même, au contraire, laissant ainsi le temps aux parents de partir avant d'être vus. Ceux-ci ont jusqu'à 2 mois pour venir récupérer leur bébé sans retombée légale, après quoi il est mis en adoption. Ça, par contre, c'est un peu bizarre parce que c'est comme si tu te tannes, tu vas le chercher. Tu as besoin d'une gardienne à soir, tu sors, tu vas le mettre dans la boîte. Je trouve ça un petit peu louche, tu sais, pour, mettons, certaines familles, des fois, je sais pas, et puis je veux pas mettre personne, mais mettons des junkies qui ont eu un bébé, puis là, ben non, ils sont plus capables de s'en occuper, mais là, ils vont le rechercher. Je trouve ça un petit peu bizarre, là, le 2 mois. Si tu vas le mettre dans la boîte, c'est parce que déjà, je pense que t'as un petit problème. En tout cas, très controversé en Allemagne, la méthode avait été abordée au début de l'année par la chancelière Angela Merkel qui souhaitait trouver une alternative à ces boîtes à bébés, bien que les statistiques ont montré que ces trappes n'étaient utilisées en moyenne que 2 fois par année. C'est quand même pas... c'est pas tellement. Récemment, à Xi'an, dans la province de Jiangxi, en Chine, eh bien, un refuge pour bébés a été créé, mais là aussi, le sujet avait fait débat. Pour certains, en effet, ce système incite les parents à se déresponsabiliser et les encourage à de tels actes. Pour d'autres, en revanche, l'existence de structures spécialisées avec du personnel compétent empêche les enfants de se retrouver abandonnés dans la rue, dans la nature, livrés à leur propre sort et causant la mort de nombreux d'entre eux. Moi, ben, je me situe dans cette catégorie-là, personnellement. Selon le Comité des droits de l'enfant, pas moins de 12 pays en Europe, dont l'Italie ou la Belgique, seraient adeptes de cette méthode. Moi, je pense qu'il faut être c'est mieux d'être repris par l'État qu'être pas aimé, pas voulu, pas élevé par tes parents ou laissé dans la rue. Mais bon, moi, c'est ma vision des choses. Sinon, on va rester dans l'abandon, mais on va aller vers un autre abandon. C'est la ville de Détroit qui est complètement abandonnée. Et on le sait, sinistrée par des années de crise économique, la ville de Détroit possède certains de ses quartiers aujourd'hui totalement laissés à l'abandon. Eh bien, Détroit est devenu un domaine skiable. Les images sont magnifiques. Sévèrement frappé par la crise qui a touché de plein fouet la construction automobile. Eh bien, moi, je dirais plus l'industrie automobile, mais bon. Détroit, ville berceau de General Motors, de Ford et de plein d'autres compagnies, donc située dans le Michigan, voit depuis quelques années des pans entiers de sa ville laissés à la ruine. On déneige plus, il n'y a plus de lumière qui allume la nuit, il y a plein d'affaires, c'est vraiment rendu la zone. Théâtre des meurtres raciales dans les années 60, Détroit a vu peu à peu sa population déserter les lieux et délaisser les centres commerciaux, les bibliothèques, les hôtels ou encore les banques du centre-ville pour ne laisser derrière elle qu'un paysage post-apocalyptique. Possédant également un climat continental influencé par les Grands Lacs, les hivers de Détroit sont généralement assez froids et rigoureux. Peut-être pas autant que nous en ce moment, là, mais bon. Dans ce tableau, loin d'être idéal, de jeunes casse-cou ont toutefois semblé trouver leur bonheur en transformant dès les premières neiges venues la ville fantôme en station de ski. Moi, je vous dirais plus en domaine de haute voltige, parce que ça fait pas très ski, ça fait plutôt un peu comme des jeunes qui font du skateboard, là, des rues, des U, comment on dit ça en anglais? Non, en tout cas, je l'ai pas, mais vous comprenez, des rampes, c'est cela que je cherchais. Rampes d'escalier, usines désaffectées, poutres, murs en ruine, tout est prétexte à la poor boys, donc aux garçons pauvres, pour skier et surfer un peu partout afin de réaliser des acrobaties spectaculaires et superbement mises en scène par nul autre que Red Bull Media House. Dans ce film intitulé Tracing Skyline, ces jeunes gens donc s'en donnent à cœur joie pour réaliser leur performance dans des lieux ravagés par les crises économiques et les intempéries. Une belle manière de redonner à la ville ses couleurs d'antan et en faire faire en sorte que celle-ci renaisse un jour de ses cendres et retrouve peut-être sa fierté perdue. Moi, ce que je trouve magnifique, j'ai été voir la vidéo, les gars sont vraiment très talentueux, les images sont vraiment spéciales et spectaculaires, mais si vous voulez vraiment un peu avoir l'idée de ce que c'est, allez voir la vidéo. Mais aussi, vous pouvez aller voir la vidéo de Joe Ben. Je l'ai fait découvrir là, quelques semaines ici, musique électro. Et son vidéo est tournée dans les mêmes, exactement les mêmes endroits à Détroit. Et puis, c'est drôle de voir le côté. Lui, il a fait ça l'été, là, il a fait ça pas de neige. Et puis, de voir les mêmes endroits avec des rampes, avec des jeunes qui s'amusent. C'est très, très, très intéressant. Donc, je vous laisse sur la pièce Joe Ben. Et puis, ben, allez voir les deux vidéos et puis comparer. C'est bien intéressant de voir. Ben, c'est la désuétitude, là. C'est pas intéressant, peut-être, pour les gens de Détroit. Mais quand même, c'est spécial. Ça fait Beyrouth, sérieux. Et puis, on est à quelques centaines de kilomètres de là. C'est assez spécial. Allez voir et profitez de Joe Ben tout de suite. Thank you.